Je vous laisse déjà ici. Et oui, ça passe vite. Et en plus, eh ben, je vous retrouve que mardi prochain parce que là, je pars à un festival de télé. Je vais faire des interviews que vous pourrez d'ailleurs bientôt entendre dans le 6-9. Et justement, eh ben, c'est le 6-9 qui arrive dans quelques minutes pour 3 heures de rire. Comme vous allez l'entendre, par exemple, dans le jeu du bottin, Jérém a notamment appelé Madame Personne. Enfin, si elle existe, hein, vous verrez. Et puis, la suite, ce sera en musique avec Maître Gims. Et moi, je vous souhaite une excellente journée avec nous. Le 6-9. Le 6-9 sur Énergie. Je dis bottin, je dis bottin, ta ta ta ta. Avec Jérém, avec Jérém, avec Jérém, c'est de la crème. C'est moi. Ah, tu fais des variantes. Je fais des variantes, je varie les plaisirs. Le jeu du bottin, on rappelle le principe, mon Jérém. Ah bien, c'est très simple, vous allez me dire si oui ou non, cette personne avec un drôle de nom de famille existe si j'ai eu cette personne au téléphone, d'accord? Okay. Par exemple, on va commencer avec Madame Personne. Est-ce que vous pensez que Madame Personne existe, que je l'ai eu au téléphone? Oui. Ouais. Oui. Vous allez voir, on vérifie. Allô? Oui, bonjour, police de Rhume. La police de Rhume. Oui, vous êtes, madame? Personne. Personne. Oui. Vous êtes personne, donc. Vous avez pris l'apéro, madame? Qu'est-ce que? Vous avez pris l'apéro? Oui, qu'est-ce que... Non. Bon. Allez. Et je vous laisse, hein? C'est pas chez nous. Allez, c'est pas chez vous. Au revoir, hein? Quoi? Madame Personne existe et elle a pris l'apéro. C'est une petite mamie toute gentille. Mais oui. Oh. Oh. C'est Madame Personne en personne. Madame Faible. Ah oh, non. Non. Moi oui. Moi je trouve. Oui. Allez, on vérifie. Je suis sûr. Allô. Oui, bonjour. Je suis bien chez Madame Faible. Non, monsieur, il y a une erreur, vous êtes chez Madame Puissante. Oh ! Madame monte sur ses grands chevaux ! Madame prend du poil de la bête ! Je suis occupée, alors dites-moi quoi, c'est pourquoi ? Est-ce que monsieur est puissant aussi ? Non. Alors écoutez, excusez-moi, mais là, j'ai pas le temps de parler au téléphone, je suis magasin. Oui, oui, oui ! Voilà, merci monsieur, au revoir. Au revoir. Et comme ça, on sera tout. Monsieur n'est pas très puissant. Est-ce que, alors ça c'est vraiment improbable, est-ce que vous pensez que Madame Hot Dog existe en Belgique? Hot Dog? Non. Hot Dog. Alors, je dirais pas saucisse, mais pas hot dog. Hein. Allez, vérification alors. C'est là, pardon. Oui? Oui, bonjour, c'est Madame Hot Dog, c'est bien vous? Ah non, c'est pas moi, vous êtes trompé de numéro. Oh, sorry, sorry, vous êtes Madame comment alors? Burger. Madame Burger? Oui. Je recherche Madame Hot Dog, mais si vous dites que vous êtes Madame Burger, c'est pas vraiment la même chose, hein? Non, pas du tout. It's not the same, hein? Moi, je préfère les grosses saucisses, c'est vous? Vous avez vu qu'elle parle anglais, elle a fait non. C'était très comique. Voilà, c'était le jeu du bottin. Oh là là, bah merci beaucoup mon Jérém. Un petit best-of. On n'a pas le temps, mais c'est pas grave. Moi je suis chaud. Vous voulez? Le best-of, le best-of, le best-of. Allez, monsieur Aladur. Il existe ou pas? Allez, on vérifie. Monsieur Baladur, oui, monsieur. Mauvais bouton. Allô? Ah, bonjour. Monsieur Aladur? Non, monsieur Aladur. C'est la molle. Oui, ben je vous le demande, parce que je vous le demande moi. Si vous voulez pas être un peu plus dur de temps en temps? Mais je vous dis zut, hein. Oh papa. Mais j'adore, c'est mignon. Et je vous dis zut, hein. Oh papa. Prenez-en de la graine, l'équipe. Major Lazer, Ready Mental, le jeu du bottin qui revient la semaine prochaine. Et à réécouter évidemment en podcast replay énergie.be. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. C'est le 6-9.

Eh ben oui, quoi? Ah, ben, mais vas-y, je vais avoir un appartement sur Bruxelles. Ouais. Donc, fini de se lever en plein milieu de la nuit. Tu verras que c'est quand t'habites le plus près de la radio que t'arrives le plus souvent en retard. Ouais, oui, lui, dis pas ça, elle a déjà une étoile au palmarès. On va se détendre. Il y a Frisco qui est là aussi. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Bonjour, il y a mon Jérém. Bonjour. Il a mis son petit polo aujourd'hui. Oui, j'ai mis mon petit polo parce que j'ai trouvé que ça ce matin. Je cherchais une réponse, mais en fait, j'en ai aucune. Voilà, exactement. Il y a Aurélie de la Rédac aussi qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Un petit point de terre sur la météo pour aujourd'hui. Est-ce qu'on doit mettre des polos comme Jérém? Ah, tu peux mettre la polo si tu veux. Hein. Arrêtez, qu'est-ce que vous avez contre le polo? Non, mais sinon, on aura des nuages sur une bonne partie du pays, surtout à la mer. On pourrait même avoir quelques gouttes de pluie. Sinon, le temps sera généralement sec ailleurs. On pourrait même avoir du soleil. Entre 17 et 19 degrés ce matin, entre 18 et 26 degrés cet après-midi. Oh, bien. Ça va. Bien. Il y a plein d'étoiles. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin. Non, c'est super beau. Te moque pas, mais j'ai levé la tête. J'ai fait, oh, dis donc, je savais pas qu'il y avait autant d'étoiles en Belgique. Il y en a autant partout. Oui, c'est ça. Non, mais je sais. Le ciel est clair. C'est juste comme ça, si les fifous nous écoutent, ils peuvent se dire, ah, je vais lever la tête et regarder avant qu'il fasse jour, évidemment. Oui, plus pratique. En tout cas, ce matin, beau programme. On a le défi du 6-9 qui va arriver tout à l'heure. On vous rappelle, il faut essayer de nous battre. On va voir qui va s'y coller ce matin. Ouais. Il y aura la Kids Line aussi à 7h35. Ah, ça, c'est un grand moment que j'aime beaucoup. Voilà, si vous êtes un enfant, vous avez moins de 12-13 ans, vous pouvez nous appeler ce matin. 0800-23456, c'est un numéro gratuit, même si vous avez plus de 13 ans. Hein. Bon, oui, il ne passerait pas dans la Kids Line, ça sera un peu bizarre, mais on a Gérard avec nous. Oh, salut les gars. Mais vous pouvez nous appeler à tout moment et venir jouer avec nous, évidemment. Le SMS aussi, c'est le 3018 qui est là, et on est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est les fifous du 6-9 pour nous retrouver, tout simplement. Voici Clean Bandit, 6h03, bon réveil avec nous. On est là, c'est le 6-9. Ouais. I never meant to leave you hurting. I never meant to do the worst thing. Not to you. Cause every time I read your message, I wish I wasn't one of your exes. No, I'm the fool. Since you've been gone, been dancing on my own. This boy's up in my zone, but they can't turn me on. Cause baby, you're the only one I'm coming for. I can't take no more, no more, no more. I wanna fool. But I got nobody here on my own. I wanna fool, but I'm broken hearted. Cry, cry, cry. Since the day we parted, touch, touch, touch. But I got nobody, so I do it solo. Calling. 6h06 sur Énergie. Dans un instant, Georges Ezra. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. On va écouter ça pour vous réveiller ce matin dans le 6-9 sur Énergie. On va se faire des blagues. Ouais. Ah ouais. Ah. Les petites blagues qui nous font du bien à 6h05 pour se réveiller. Voilà, c'est notre petit moment à nous. Et je peux vous dire que c'est assez drôle. Et ça nous réveille. Hein. Ouais, bah oui. Ah, ça nous met bien. Ah, oui. Ça nous réveille les zygomatiques. C'est les blagues du 6-9 générique. C'est les blagues, c'est les blagues, c'est les blagues du 6-9. C'est comme ça de temps en temps. On se fait plaisir, on se détend. C'est les blagues du 6-9. Blagues du 6-9. Blagues du 6-9. Blagues du 6-9. Non, c'est bon. On va chanter comme ça sur tous les jingles. Oh, mais alors celui-là, je veux bien qu'on le garde, il est sympathique. T'as noté les paroles? Non, il faut que je réécoute. Je vous jure, j'ai fait une impro juste avant, je cherchais une rime et elle est arrivée. Quel talent. Allez, tiens, Tiffany. Ah. À toi de démarrer, parce que toi, attends, c'est une série à chaque fois. Ouais, la nana nous fait 5 épisodes. C'est 8 fois, quoi. Non, mais là, ça va être très court. Un chien et un homme sont sur un bateau. Le chien pète, l'homme tombe à l'eau et se noie. Quelle est la race du chien? Un pékinois. Bah, tu la connaissais? Non. Si tu la connais. Non, je te jure. C'est parce que j'avais le pékinois en tête. Ah, bah oui, à 6h07, on a ça dans la tête. Hein. Un pékinois. Je vous jure que je la connaissais pas. Eh ben, tu vois, à chaque fois, je raconte une blague sur Carrefour et elle a pas super marché. Elle se fait des bonus sans qu'on lui dise, tu vois. C'est pas un petit bonus, plaisir. Ouais, voilà. Frisco, la blague de ce matin. Alors, c'est un monsieur qui visite un musée. Soudain, il s'arrête et dit au guide: ah, c'est moche! Et le guide lui répond: on l'a déjà fait. Mais non, on l'a pas fait. Si, on l'a déjà si, fait. C'était moi Tiffany qui l'a fait. Oh là là là là! Attends, j'en ai un autre! Je suis désolé. J'en ai une autre. Ouais, pardon. Ça va, on peut pas être au top tous les jours, ok? Attends, mais t'as mis la blague parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ah oui, ils vont voilà. Être frustrés. Donc il fait: ah, c'est moche. Et donc la personne répond: mais c'est un Picasso, monsieur. Et plus loin, il s'écrit à nouveau: ah, c'est vraiment moche. Et là, le guide lui fait: mais ce monsieur, ça, c'est un miroir. Ouais, voilà. Je la racontais mieux quand même. Non, pas de jingle pour ça, pas de jingle. Ouais. Allez, vas-y. Une autre? Ah, une fraîche. Hein. Quel est l'animal qui n'a jamais soif? L'animal qui n'a jamais soif. Le zébu. Non, le zébu, parce que quand zébu, j'ai plus soif. Ouais, ça c'est bien. C'est tout frais. À votre avis, elles vont où les biscottes pour danser? Je sais pas, dans une boîte? En biscothèque. Jérém. Bah, c'est deux gamins qui discutent, ils ont tous les deux 8 ans, un garçon et une fille sont dans la chambre, il dit le garçon dit à la fille: tu vas demander quoi à Noël? Moi je vais demander une Barbie. Et toi? Moi je vais demander un Tampax, dit le garçon. La fille dit: c'est quoi un Tampax? Bah, j'en sais rien, mais à la télé ils disent qu'avec un Tampax on peut aller à la plage tous les jours, faire du vélo, faire du cheval, danser, aller en boîte de nuit, courir, et tout ça sans que les gens s'en aperçoivent. Elle est mignonne. Elle est très mignonne. Ah oui, j'aime bien. C'est mignon, c'est très mignon. Oh, j'en ai une pour toi, on finira là-dessus, Tiffany, vu qu'elle vient d'avoir son appart ce matin. C'est une bonne nouvelle pour elle. Ouais. À ton avis, pourquoi est-ce que Napoléon n'a pas voulu acheter de maison? Bah parce qu'il avait un bon appart. Ouais, ouais. Contente parce qu'elle la connaît. Non, mais je suis contente de trouver la réponse d'une blague, je trouve jamais. 6h10 sur Énergie, c'est Georges Ezra, mon réveil. Grown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. By in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. 6h12 sur NRJ, dans un instant, Jonas Blue. Et ce matin, du beau cadeau pour vous encore. Et c'est comme ça toute cette semaine. Vous gagnez votre iPhone 10 dans le 6-9 sur Énergie. Appelez aussi l'iPhone X, l'iPhone X, l'iPhone iOS X. Bref, l'iPhone 10, c'est ce qu'on vous offre ce matin. Ça va tomber à 9h. C'est un iPhone qui tombe tous les jours. Mais c'est pas demain qu'il faut saisir votre chance, c'est aujourd'hui. Hein. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais voilà. C'est un petit SMS envoyé maintenant. Vous envoyez phone tout simplement par SMS au 78-6018. Le mot code phone, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. Et l'iPhone X pour chez vous, il est très sympa. Ouais, il n'y a plus le bouton au milieu, le petit bouton rond, là, le bouton home. Ouais. Il existe plus, c'est un grand écran, il vous reconnaît. Ouais. Enfin, il vous reconnaît. Le samedi à 4h du matin, il vous reconnaît moins. Téléphone, pourquoi tu ne veux pas te déverrouiller? Tu ne me reconnais pas? C'est ton Jacky. Vous envoyez phone par SMS au 78 maintenant et on vous appelle à 9h et on vous offre. C'est par téléphone. C'est le 6-9. Vous gagnez vos places pour le concert de Maluma avec la phrase énergie. Maluma! Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je me réveille chaque matin avec le 6-9 sur Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos deux invitations pour le concert de Maluma. Le 29 septembre au Palais 12 de Bruxelles avec Énergie. Le SUV Opel Mokka X, déjà à partir de 299€ par mois, entretien, taxes et assurance inclus. Vous n'avez plus qu'à faire le plein. Offre sous condition. Remboursez facilement vos amis pour la soirée pizza et in the pocket. Avec la PNG Smart Banking, vous remboursez vos amis tout de suite. Vous avez entre 18 et 25 ans ? Ouvrez maintenant votre premier compte à vue ING gratuit et recevez 50€. Infos et conditions sur ing.be/jeune. Chez Tom & Co, du 12 au 23 septembre, profitez de 30% de réduction sur le deuxième article identique. Ça veut dire deux fois plus de croquettes, ou de litières, ou même de graines pour oiseaux. Du 12 au 23 septembre, moins 30% sur le deuxième article identique chez Tom & Co. Conditions en magasin. Tom & Co, votre animal et vous. Envie de vivre des vacances extraordinaires ? Plongez ensemble dans un paradis aquatique, réalisez des activités passionnantes et visitez Disneyland Paris. Découvrez Village Nature Paris, une expérience Center Parcs unique. Réservez maintenant sur centerparks.be. Center Parcs, ensemble vraiment. L'assurance habitation des AP. En ce moment, 2 mois gratuits. Et en plus, avec les conseils personnels de Philippe. Philippe des AP Assurances, bonjour. Infos et conditions sur lap.be. Entre-temps, chez Brentano. Hey, oui, j'ai vu des gamins passer avec des belles petites chaussures de course. Ah. Et je me suis dit, mais il faut absolument, hein. Oh ben oui, les petites chaussures. Mais vu que je suis un flamant rose, quoi, tu penses que c'est obligé de les acheter par paire? Parce que moi, j'en ai besoin que d'une seule. Ah ben oui, c'est vrai ça. Ben moi, en tant que mille pattes, j'ai aussi une question. Ah oui? Tu crois que c'est possible d'avoir un prix pour 500 paires? J'en sais rien, mais il faut une fois demander à M. Brentano. Oh, demande-lui. Mais je vais bien, mais je connais pas moi ce pays. Oh. Échangez vos vieilles chaussures contre une réduction pendant notre action Vieilles chaussures. Brentano, et le monde est à vos pieds. La nouvelle Volvo V60 est le break idéal pour toutes les familles. Les petites, les grandes, mais aussi pour les nouvelles familles. Celles avec deux papas ou deux mamans, des frères et des demi-sœurs. Les familles qui une semaine sont à deux et l'autre à cinq. La nouvelle Volvo V60 allie sportivité, élégance et espace intérieur. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 10 au 15 septembre. La nouvelle Volvo V60, le nouveau modèle familial. Dans un instant sur NRJ, on va parler des objets qui ont été vendus pour des sommes assez extraordinaires. Et un objet en particulier, d'un film en particulier. Je vous explique ça dans un instant. Jonas Blo qui arrive à avancer un point sur les conditions sur la route ce matin. Bah, il se passe rien. Ah bah c'est bien ça. Bah oui, c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une excellente nouvelle, merci Aurélie. Je t'en prie. Avec plaisir, on reviendra. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate. Sur Énergie, J Balvin, Nicky Jam. J'ai pas vu, mais. Oh, réveille en été encore. Pourrait se croire au bord de la plage. Ouais, ah vrai. Oui. Ah, vous allez mettre vos petites tongs. Enfin, faites gaffe parce que si vous allez bosser comme ça, ça peut être dangereux. Sur chantier, c'est un peu délicat. C'est un peu dangereux. On va ce matin parler de cinéma. On va parler d'un film. Si je vous mets ça, vous allez tout de suite comprendre de quel film on va parler. Ah, ah, cornichon. Ah, ah, taxi. Ah, mais oui. Film Taxi, même, je dirais même plus la saga Taxi. Il y en a eu 5 hein, quand même. Ouais. On est au 5e Taxi. Bon, le dernier, il n'y a plus Samina Seri dedans. Ouais, moi, hein, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu? Non. Ouais, moi, je l'ai vu, moi. Avec Franck Gastambi et Malik Bentala. Et Malik Bentala. Et non, je n'ai pas vu. Tu l'as vu, toi, Fresco? Ouais. Bien, ça vaut le. Ouais, moi, j'ai bien aimé parce que je suis fan des deux, enfin, de Gastambi et de Bentala. Oui. Après, ça n'a rien à voir avec, avec la première série, tu vois. Ah, ouais. Mais moi, comme j'aime bien les deux acteurs-là, franchement, ça ne m'a pas dérangé. Alors, ce film Taxi, bien évidemment, j'ai envie de dire, le personnage principal, c'est le taxi. Bah oui, c'est la voiture. C'est la voiture, cette fameuse Peugeot. Et là, on va parler du Taxi 2. Ouais. Le deuxième volet, c'est la Peugeot 406. Elle a été mise en vente. C'est vrai? Mise en vente aux enchères. À votre avis, à quel prix? Parce que honnêtement, j'étais étonné. Avec les ailes et tout? Ouais. Non. Si. Les boutons et la totale. La totale. Et ils changent le truc et tout? Tout. Les roues se tournent comme ça? Tout. Avec les ailes? Tout. Je sais pas, moi, de 100 000 euros? Eh ben, pas du tout. Tu peux enlever 3 zéros. Enfin, je sais plus combien de zéros, mais bref, quoi? 10 000. Entre 8 000 et 10 000 euros. Seulement? Ouais, seulement. Alors, allez. Ouais, mais elle est combien de kilomètres? Oui, puis c'est surtout qu'elle est pas homologuée, mon pote. Tu vas pas rouler avec ta 400. D'un seul coup, qu'il y a des ailes, un cockpit au-dessus. Ouais, mais c'est génial. Mais pourquoi pas? Mais je crois que ça passera pas le contrôle technique. Non, elle est pas homologuée, c'est sûr et certain. Il y a pas de plaque et tout. Et tu peux pas du tout rouler avec sur la route, c'est une certitude. Tu veux dire que depuis 5 épisodes, il a roulé en effraction, le gars? Alors, de 1, il n'avait pas de permis. De 2, il roulait avec une voiture qu'il pouvait. Et c'est vrai, elle a été vachement modifiée pour le film. Et comme tu l'as dit, Jérémy, il y a tout. C'est vrai, il y a le cockpit, comme on voit dans le film, il y a les ailes, il y a la plaque qui se tourne, il y a la totale. Il peut vraiment changer de volant et tout. Ouais. Sauf que, évidemment, il pourra pas conduire avec. Donc moi, j'aurais voulu l'acheter. C'est plus pour mettre en déco, quoi. Oui, ça te sert à quoi une voiture si tu peux pas la conduire? Il y en a qui aiment bien en décoration. Tu mets ça dans ton jardin, c'est un grand jardin. Oui, c'est vrai. Bah, c'est sûr que dans ton appart, Tiffany, ça va être compliqué. Mais en tant que table basse. Ouais, du coup, j'ai envie de vous demander ce matin, rapidement, petit tour de table, si vous devriez acheter un objet d'un film, un truc qui vous tient à cœur. Ah oui. Ça serait quoi, toi, Aurélie de la Rédac? Ah oh ben on va rester dans les bagnoles, hein, la DeLorean. Ah voilà. Retour vers le futur. Ah mais là oui, je dis ça, oui. Ça c'est oui. De la bagnole. Ça je dis oui. J'ai jamais vu les retours vers le futur. Quoi? Oh là mais là. Sors d'ici. Non mais ça va. Quitte cette émission tout de suite. La cagnotte. La cagnotte va pour ça. Plus non, ça fera 5 euros quand même. Mais non, le mec, pour manque de culture cinématographique. Monsieur décide que c'est comme ça, donc non, je ne donnerai pas d'argent. Mais c'est vrai, j'ai jamais vu. C'est les fou, retours. Ça, c'est péché. Hein. Ah, mais je connais péché. McFly, je connais tout le monde. Hein. Ouais, bah, faut voir le mais film quand même. Ah, c'est génial, la DeLorean. C'est vrai que ça, c'est quand même une voiture qui fait rêver. Ouais, j'avoue. Tiffany, ce serait quoi, toi? Alors, moi, ce serait la lampe magique d'Aladin. Oh oui! Et ça, c'est une bonne idée. Mais tu sais, ça n'existe pas, hein. Tu viens de briser tous mes rêves. Comprends pas, ça fait 3 ans que je frotte, y a rien qui sort ce bazar. À part de la sauce poivre vert. Frisco, ce serait quoi toi? Moi, les perruques dans Mission Cléopâtre, tu vois quand ils s'échangent là. Entre les tireurs deviennent. Les tireurs. Ah, je sais plus comment ça va. Les pousseurs, non? Non, les tireurs deviennent fouetteurs et les fouetteurs deviennent tireurs. C'est des espèces de perruques avec des cheveux un oui, peu c'est tout ça, avec un peu de dread là, comme ça. Ah ouais, elles sont géniales. Ça me fait rire. Pourquoi pas? Toi, mon Jérém? Moi, vous allez vous moquer, mais c'est le téléphone dans Podium. Tu sais, écoute, maman, il a le téléphone dans sa cave, il a une cave avec tous des objets. Et alors, la nuit, il se réveille et le téléphone sonne et il fait allô, c'est Clo-Clo. J'aimerais bien que François m'appelle pendant la nuit. Mais tu sais qu'il est décédé, hein? Oui, je sais, tu viens de briser tous mes rêves. Moi, ce serait la planche de bois dans Titanic. Ah ouais. À la fin là, tu vois. Mais avec ou sans rose? Non, justement sans rose, c'est pour vérifier qu'on pouvait bien être deux dessus. Le mec qui va à la piscine municipale pour se mettre dedans, tu vois. Tu vois qu'il pouvait être deux, je te l'avais dit, chérie. Voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ve. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. Pour vous cette semaine. Vous gagnez vos places pour le concert Énergie de Maluma. Ah, et si vous aimez bien de l'espagnol, comme on en écoutait un peu J Balvin, c'est un peu. Si. Ouais. Latino, da tita tita. Eh ben, vous allez pouvoir aller voir Maluma en concert avec Énergie. C'est le au Palais 12, ça sera le 29 septembre. Ouais. Notez bien la date, on a des places pour vous, on a deux invitations. Comment les gagner? C'est très simple, c'est avec la phrase Énergie. Oui, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire et surtout, voici la phrase. Prenez un petit post-it pour noter ou dans le GSM, vous écrivez ça vite fait. Attention, l'équipe, on ouvre les guillemets. Je me réveille chaque matin avec le 6-9 sur Énergie. Fermez les guillemets. Vous avez vu, on est très coordonnés pour les guillemets. Hein. Incroyable. Des guillemets de compétition, ça. Vous envoyez, vous allez vous inscrire dès maintenant, c'est énergie.be et sur l'application Énergie Belgique, vous la téléchargez, vous vous inscrivez. On vous appelle à tout moment de la journée, vous répétez la phrase. Et c'est deux places pour aller voir Maluma en concert. la sécurité au travail avec Fédéral Assurance. De belles prévisions assurées. Jane qui arrive dans un instant sur Énergie. 6h30, voici un point sur la météo pour aujourd'hui. Ce matin, on a pas mal de nuages à la mer et au centre du pays. Plus au sud, on a du soleil et des températures entre 17 et 19 degrés. Et puis cet après-midi, on aura davantage de nuages, de la pluie principalement sur le nord, côté température entre 18 et 26 degrés. Un point sur l'actualité de ce mercredi 12 septembre avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, vous allez être content. La FGTB envisage de nouvelles actions d'ici la fin de l'année. Le syndicat s'est réuni en bureau fédéral hier et il a décidé d'organiser une journée nationale d'action. Elle pourrait prendre la forme de plusieurs grèves, voire d'une grève générale. La FGTB va proposer à la CSC et à la CGSLB de se joindre au mouvement. Le syndicat veut dénoncer différentes mesures prises par le gouvernement, comme la dégressivité des allocations de chômage. On en a déjà parlé, c'est une bonne nouvelle. L'espérance de vie est en hausse en Europe. Malgré tout, la santé des Européens est à surveiller. Dans son nouveau rapport, l'Organisation mondiale de la santé pointe le surpoids et l'obésité, mais aussi la surconsommation d'alcool. L'alcool qui est problématique pour les Belges. Il faut savoir que notre pays occupe la 3e place européenne en la matière, avec 12,6 litres par personne et par an. La Lituanie et la République tchèque occupent les deux premières places. On passe au sport en football. Début réussi pour nos Diables Rouges en Ligue des Nations. Les Belges se sont imposés 0-3 face à l'Islande. Des buts que l'on doit à Eden Hazard et à Romelu Lukaku. Précisons que grâce à cette victoire, la Belgique reprend la tête du classement de la FIFA. Exit donc les Bleus, les Français. Et enfin, toujours en football, soulignons quand même la belle performance des espoirs belges. Hier, ils ont battu la Hongrie 0-3. Il s'agissait d'un match de qualification à l'Euro 2019. Les Diablotins sont premiers de leur groupe. Ils ont encore un match à disputer. Ce sera le mois prochain en Suède. Achetez maintenant votre Seat Ateca à partir de 17 999 euros. Prime de reprise incluse sous condition. Et tentez de gagner son remboursement. Info sur Seat.be. Seat. On m'a dit que les patrons d'autres radios écoutaient le 6-9 sur Énergie. Eh ben qu'ils les prennent chez eux. Eux, ça leur rend service. Et nous, ça nous débarrasse. Bon, on est très bien sur Énergie. On va pas changer, moi, je vous le dis. Oh. C'est le 6-9. Bonjour. Bonjour. 6h33, on est là avec vous comme chaque matin, avec toute l'équipe, les fifous du matin. Jane qui va arriver dans un petit instant. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Jane. Oui, j'adore aussi. Je commence à devenir fan de tout, de la musique et de la personne en elle-même. Il y a tout le monde qui est là ce matin. Il y a Tiffany. Bonjour, bonjour. Bonjour. Il y a mon Frisco aussi qui est là. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Marco. Bonjour. Il y a mon Frisco, quand je t'entends, j'ai envie de petit morceau de guitare de Frisco. Arrête, tu te surpasses. Oh, oui. Arrête, attends. Mais, même lui, il y croit. On est bien là, hein? Ouais, on est bien. Réveil en douceur. Et tu peux faire croire quand même que c'est encore moi qui joue, hein, s'il te plaît. Non, non. Il y a Jérém aussi qui est là ce matin. Bonjour. Ouais. Bonjour. Moi, je fais du tam-tam. Bah, c'est moche. Il y a Aurélie de la Reda qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, tout en douceur, on se réveille. Mais ça fait plaisir, ça. Petit solo de guitare pour vous, c'est Frisco qui régale. Ouais. Venez nous rejoindre sur Instagram. On est là, on vous attend d'ailleurs. On va faire un petit tour, tiens, sur Instagram. Les fifous du 6-9 sur Énergie. On vous met des stories, on vous met des photos, on vous met un peu de tout, on alimente la journée. Comme ça, vous voyez un peu nos bêtises qu'on fait la journée. Et c'est plutôt sympathique. Qui est venu nous rejoindre dans les derniers, mon Jérém? Justement, je suis en train d'actualiser. Dans les derniers, il y a Delphine, il y a Marcus07, il y a Greg, il y a François. Et là, il y a des gens qui viennent de s'abonner, justement. C'est Fab, qui a une très jolie photo avec une jolie blonde. À mon avis, ça doit être sa copine. Il y a Francis, il y a Patrick, oui, Patrick, pardon, excuse-moi. Parfois, ils jouent Patoche. Oui, ils changent leur lettres par des... Enfin, voilà. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Eh ben, venez nous rejoindre, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie. Merci Frisco pour ce moment. Avec plaisir. Mais tu peux arrêter maintenant, ça suffit. D'accord. Mais qui nous fait des solos de guitare. 6h35 sur Énergie, voici Jane, David Guetta qui va arriver dans un instant. Et juste après, c'est le défi du 6-9. Ah, ça va arriver, on va savoir qui va s'y coller. If love is around, things gonna be alright. know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be your city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be sur Énergie. David Guetta et Anne-Marie qui arrivent dans un instant. Et avant ça, comme tous les mercredis, aux alentours de 6h35, c'est le défi du 6-9. Nous allons devoir réaliser un défi ce matin. On va penser à nos Diables Rouges qui ont gagné hier 2-0. Ouais. 3-0. Tu t'es endormi devant le match, ouais, toi. pour tout vous dire, j'ai vu que la première mi-temps. Le troisième, c'était dans la deuxième mi-temps. Donc, on va leur rendre un petit hommage ce matin. Ils sont de nouveau numéro 1 au classement FIFA. Enfin, le 20 septembre. Hein. Oui, ils sont pas encore. Mais c'est quoi cette arnaque encore? C'est pas une arnaque. C'est juste qu'il y a, c'est juste qu'il y a plus match avant le 20 septembre, mais le 20 septembre, on est numéro 1. Ah, le 20, ça sera le 20 septembre. C'est juste qu'ils actualisent le classement le 20 septembre. Mais d'accord, c'est comme si on était déjà numéro 1. Donc on n'est pas numéro 1 pour le moment. Voilà. Et on n'a toujours pas gagné la Coupe du Monde. Oui, voilà, au cas où vous posez la question. Du coup, ce matin, on va devoir faire un maximum de jongles avec un ballon. Des jongles au pied. Ça va être très compliqué, je vous le dis. Et si vous gérez un minimum le ballon, il y a moyen de vous en sortir ce matin. En 30 secondes ? En 30 secondes toujours, c'est notre chrono. C'est le défi du 6-9, en 30 secondes, en faire un maximum. Je ne sais pas qui va s'y coller ce matin. Le moment est venu de mettre la main dans le panier. J'ai les petits papiers. Les papiers dans le panier. Allez, Tiffany. Tiffany. Non, Tiffany. Je rigolerais trop que ça soit Tiffany. Non. Eh ben, c'est Jérém. C'est pour moi, Jérém, qui représente le 6-9 ce matin. Okay. Qui va devoir faire un maximum de jongles en 30 secondes. Alors, évidemment, si tu te loupes, t'en fais deux, tu te loupes. Tu as 30 secondes, donc tu peux reprendre autant de fois que tu veux. Ok, mais je repars à chaque fois à zéro si je te loupe, quoi. Oui, exactement. Et on prendra ton meilleur score dans les 30 secondes. Ok. Et on espère qu'il sera bon, car le 6-9 est avec toi. Et on vous rappelle que vous pouvez tenter de le battre. On mettra la vidéo après dans le groupe Facebook. Tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, ah ouais, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, pas mal, hey. Ne dégomme pas les écrans dans le studio, par contre, hein. Et j'aurais jamais fait autant. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, et ben il balaye. 14, 15, pour un prof de tennis, c'est pas mal. 16, il te reste 10 secondes. 1, 2, 3, 20. C'est combien le dernier? 16? 16, oui. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, tu peux revenir. 16, t'es un grand sportif en fait. 3,78 m, ça va. Eh ben, sans déconner, je suis surpris, mon Jérém. Ah bon, je pensais pas que tu maîtrisais le ballon comme ça. Oh oui, je fais un peu de foot de temps en temps. Ah bah je suis content. Un peu de mini-foot aussi. C'est pas plus mal que tu nous as représenté ce matin, parce que si ça avait été Tiffany ou moi, je pense qu'on était pas bien. Et puis, serait resté à zéro. Il y aurait eu des écrans cassés dans le studio. Oui. Oh, et pas que. Très bien, 16, c'est le record de ce matin. 16 jongles en 30 secondes. Yes. Vous pensez pouvoir faire mieux? Rendez-vous sur le groupe Facebook, c'est les Fifous du 6-9 sur Énergie. Vous venez dès maintenant sur la page Facebook et puis vous mettez votre vidéo dans les commentaires. On vous la postera d'ici 9h et puis vous tenterez de battre Jérém. Bah ouais. Ça va pas être facile, je vous le dis, courage d'avance. Mais bonne chance. Hein. Ah ouais, parce que 16 en 30 secondes, je vais essayer. Il y a moyen de faire mieux. Je vais essayer pendant David Guetta, on va mettre ça sur Instagram. I don't wanna like him, we be honest. Right now while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. Alone. I don't wanna call and you not answer. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. Don't you ever leave me. Don't you ever go. Don't you ever leave me. No. Don't you ever leave me. Don't you ever go. I'm sitting on TV. I know how it goes. Even when you're angry. Even when I'm cold. Don't you ever leave me. Don't leave me alone. Don't you ever. Sur Énergie, Drake dans un petit instant, c'est ce qui arrive côté hit. Et je vous rappelle que ce matin, on a du cadeau pour vous, l'iPhone 10 à gagner. Vous gagnez votre iPhone 10 dans le 6-9 sur Énergie. iPhone 10, ça va tomber à 9h. On va vous appeler chez vous en direct. Vous répondez et vous repartez avec un iPhone 10. Le tout dernier, un bijou de technologie. Vraiment, il est très très beau esthétiquement. Et surtout, moi j'aime beaucoup ouais, ce qu'ils font. Après, et quand on dit il va tomber à 9h, il va pas vraiment tomber de la boîte. Hein. Non. Il va être offert à 9h. Il va être offert, il va arriver chez vous. On va vous l'offrir évidemment. C'est du cadeau ce matin. Je veux pas incarcer moi. Et c'est un cadeau à 2€. Franchement, c'est pas cher. Ouais. C'est vous envoyez le mot code phone par SMS au 78, c'est 2 euros la participation pour résumer rapidement. Ouais. Et en gros, l'iPhone pour chez vous à 9h. Ça, c'est quand même pas mal, c'est du beau cadeau pour une petite pièce. Hein. Ça fait 2 baguettes de pain. mais c'est vrai, attends, c'est pas cher payé pour un iPhone. Ouais. Phone par SMS au 78, je vous souhaite bonne chance et à 9h, on vous appelle, on vous offre l'iPhone 10 pour chez vous. C'est le 6-9. Vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais vu. Pourtant, vous allez devoir le trouver pour gagner 20 000 euros. Le fugitif Énergie. Bientôt. Écoutez le 6-9 sur Énergie chaque matin pour en savoir plus. Avec Golden Palace Casino et Sport, nous prenons le jeu très au sérieux. L'espace vu par la Mini Countryman Docklands. Parce que la Mini Countryman est la Mini la plus spacieuse jamais conçue. On peut y mettre encore plus de choses. La preuve, la Mini Countryman Docklands. Avec un toit ouvrant panoramique. Bonjour le soleil. Le système Hi-Fi Armand Cardon. Oups, désolé. Et encore beaucoup, beaucoup d'autres choses. En plus, vous recevez 7000 euros d'avantage sur la Mini Countryman Docklands. Découvrez-la, ainsi que les infos et conditions chez votre concessionnaire Mini ou sur mini.be. En septembre, offrez-vous le confort Citroën grâce aux offres Confort Mania. Jusqu'à 8600 euros d'avantage et 50% sur toutes les options. Citroën. Conditions sur citroën.be. Chez Tempo Team Titre Service, nous recherchons des super Z ménagères. Bonjour, je suis la femme de ménage, je viens juste 2 minutes passer l'aspirateur. Continuez. Donc, de super Z ménagères qui sont consciencieuses et qui s'investissent à 100%. Désolé, mais ces vitres sont vraiment sales. Oui, Tempo Team recherche donc... Voilà, comme ça au moins les gens vous verront bien. Mais en radio, il n'y a rien à voir. Ah bon? Ok, bon. Êtes-vous une star du nettoyage? Ou cherchez-vous quelqu'un capable de faire régner l'ordre et la propreté? Alors surfez sur tempoteam.be ou appelez le 0800 30 130. Tempo Team! Grande collecte chez Shoe Discount. Déposez vos chaussures, sacs à main et vêtements réutilisables et recevez un bon de réduction de 10 euros. Le samedi 15 septembre, prenez place autour de la table rouge dans votre Deleuze. Nous répondrons à vos questions sur Nutri-Score, ce logo de 5 lettres et 5 couleurs avec lequel mieux manger devient un vrai jeu d'enfant. En plus, vous pourrez déguster gratuitement nos céréales. Deleuze, du côté de la vraie vie. Action valable aussi dans les AD, Proxy et Shop & Go participants. Auto-yoga avec Corona Direct Assurance. Placez votre main droite sur l'épaule gauche et tapotez-la doucement. Voilà, c'est la posture du calme. Ils viennent directement m'aider. Eh oui, l'équipe d'assistance de Corona Direct Assurance est à votre service jour et nuit. En cas d'accident, ils viennent même sur place pour vous aider à remplir votre constat. Plus d'infos sur coronadirect.be. Corona Direct Assurance. Directement assuré, directement rassuré. Dis, merci pour ton compte Netflix. Hein. Hier, on a regardé la fin de ta série quand le mec arrive. La la la li louloulou la la la. Ce qu'elle veut dire par la la la li louloulou la la la, c'est... Eh oh, j'ai pas encore tout vu, moi. Eh, tu te prendrais pas un compte Netflix à toi? Je dis ça pour toi, hein. Maintenant chez Proximus, vous pouvez regarder la télé et Netflix et téléphoner et surfer à partir de 49 euros par mois. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. Drake qui arrive dans un instant, on joue à l'enchère juste après. Avant ça, un point sur l'infotrafic. Un accident s'est produit sur le 25 à hauteur d'Hambourg en direction du Luxembourg à la bande de droite est bloquée. La situation est ralentie et puis des ralentissements. Il y en a sur le 40 en direction de Bruxelles. Vous perdez 20 minutes entre Everberg et Woluwe-Saint-Étienne. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump and confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I'm skate and smoke. Hey, now let me see you. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, Kiki. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. She got me in my feelings. I just gotta be real with you. Un bon réveil avec nous, une belle journée aussi surtout. Bah oui, la journée, milieu de semaine. Ouais, c'est mercredi. Ça fait plaisir. On est ensemble pour la démarrer cette nouvelle journée. 6h52. On va faire un petit jeu ce matin entre nous. Ça s'appelle l'enchère. J'adore. Tout le monde ça. Se souvient du concept de l'enchère. En gros, je vais vous demander, par exemple, moi je sais pas, citez-moi 10 émissions, enfin des émissions télé. Okay. Il y en a un qui dit, ah moi je peux t'en donner 10. Okay. Et l'autre peut surenchérir ou laisser passer. Attention, il y a 20 secondes pour donner le montant que vous annoncez. Donc vous emballez pas trop non plus. Oui, oui, voilà, on chauffe. Je vais t'en donner 50. Oui, bah vas-y, je t'en prie. Je t'écoute. Qui va s'affronter? Allez, tiens, Tiffany face à Frisco. Ok. On n'a jamais fait cette bataille. Vous êtes jamais rencontrés tous les deux. Aha. On se regarde en chien de faïence. En chien de faïence. Ça ne dit pas ça. Non, mais c'est en chien tout court. Non, ça c'est autre chose. Tiffany, Frisco, vous affrontez ce matin. Et alors, je vais vous demander ce qu'on peut trouver dans un cartable. Tiffany. 10. 10 choses qu'on peut trouver dans un cartable. Elle a donc 10. 11. 12. Vas-y, ouh, je surenchère. Je la laisse. Hey. Vas-y, je te laisse. Ouais. Je suis sûr que t'as un pas 12. Non. Attends. 20 secondes. 20 secondes, j'ai le chrono. Hey, elle réfléchit là. Ben non, on y va. 3, 2, 1. Déjà. Une latte, un cahier, un journal de classe, un plumier, quelques bics évidemment. On aura aussi une collation, une boîte à tartines, une bouteille d'eau. On aura aussi un compas, une équerre, une farde et un... Ah voilà, on fait la maline et ben on n'a pas, on tombe dans le ravin. Non mais j'étais presque. Et pas mal. Hein. C'est vraiment dommage que pour un tu loupes quand même. Mais oui c'est ça. Tristesse. Ouais. Ah, donc j'ai un point. Allez, un point pour Frisco. Frisco Jérém du coup. Ah ouais. Ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Hein quoi? Ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Citez-moi ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Tu peux en donner combien Jérém? 5. 6. 7. 8. Allez, j'aime, vas-y. J'aime le challenge. Okay. 8. Okay. Ouais. 8 choses qu'on peut faire avec un ordinateur, Frisco, 20 secondes. Aller sur internet, envoyer des mails, imprimer des photos, faire des albums photos, consulter la presse, regarder des vidéos, regarder des films. C'est pas la même chose. Oh, oh, pop, pop, si. Ok, d'accord. Aller sur Facebook. Ah non, ça fait 7. Ça fait 6. C'est perdu. Mais non, ça fait 7. Non, ça faisait 7. Ça faisait 7. Ou pour moi, non, film vidéo, pour moi, c'est la mais même non, chose. Mais non, mais je l'ai retiré. Bon. Et puis aller sur internet, aller sur Facebook, pour moi c'est la même chose. Hein. Non. De toute façon, t'avais dit 8, hein, t'as perdu. Ouais. Ouais, c'est pas faux en fait. Maître Moja est avec nous. Allez, bon réveil sur Énergie, en douceur avec nous et dans la bonne humeur surtout. C'est le 6-9, 6h55. On a du beau cadeau ce matin, l'iPhone X qui va tomber avant ouais. 9h. Je vous explique tout ça dans un petit instant. On parlera de ce mec aussi qui vaut 20 000 euros. Oui, il y a un gars qui vaut 20 000 euros. L'homme qui valait 20 000 euros. Ça s'appelle le Fugitif Énergie, on vous le présente. Oh, pas vraiment. Route 96. Bye. Je tiens à vous présenter mes excuses. Ça n'a rien à voir avec la route 66, encore moins la 96. C'était route E411. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose. C'était route 94 à l'instant sur Énergie. Maroon 5 qui va arriver. 6h58, restez avec nous. Une nouvelle heure qu'on va démarrer ensemble dans la bonne humeur sur Énergie. On va parler de Pamela. On va Pamela ensemble. On va Pamela ensemble. Pamela Anderson. Tout le monde voit qui c'est. Oui, vraiment. On va parler d'elle dans la prochaine heure. On fera un petit jeu qui est sympa, qui est tout nouveau. La Kids Line aussi qui débarque à 7h35. Vous êtes un enfant, vous avez moins de 12-13 ans. Vous voulez venir ce matin et parler avec nous. On parlera tout à l'heure de votre cours préféré, comme c'était la rentrée. Ah, cool. Voilà, on va voir un petit peu quel était votre cours préféré, voir un peu comment s'est passé cette rentrée, tout simplement. 0800 2 3 4 5 6 pour nous appeler, c'est gratuit. Hey boy, what you say boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone boy, is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, ay papi. Baby, I don't need you, I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 plus 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I wanna be. I heard you a freak too. That's right. What's 2 plus 2? Peugeot présente, et oui, on a encore innové. C'est parfois bien de prendre du recul, mais chez Peugeot, on a préféré prendre de l'avance. Avec nos SUV déjà les plus vendus du marché, et avec le nouveau Peugeot Rifter qui redéfinit les codes du monospace, look SUV Peugeot iCockpit, technologie embarquée jusqu'à 7 places. Et oui, on a encore innové. En septembre chez Peugeot, profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Rifter et de l'offre 50-50 sur le reste de la gamme, avec 50% de remise sur 100% des options. Offre soumise à condition. Il est 8h. Eh ben non, il est 7h. And you're listening to Énergie. La sécurité au travail avec Fédéral Assurance. De belles prévisions assurées. 7h01 sur Énergie. Bienvenue. Mercredi 12 septembre. La météo pour aujourd'hui avec Aurélie Adam. On aura des nuages ce matin à la mer et sur le centre du pays. Plus au sud, on aura des éclaircies, des températures entre 17 et 19 degrés. Et puis cet après-midi, des nuages sur l'ensemble du pays, de la pluie sur le nord et des températures entre 18 et 26 degrés. On s'informe avec toi Aurélie, bonjour. Bonjour, la FEF interpelle les pouvoirs locaux. Hier, la Fédération des étudiants francophones a présenté 10 propositions destinées aux candidats aux élections communales et provinciales. Elle leur demande d'agir sur les conditions d'études. Elle réclame notamment l'instauration d'un minerval le plus bas possible. En 6 ans, les demandes d'allocation d'études ont augmenté de 21,3%. Et puis en 15 ans, le nombre d'étudiants dépendants du CPS a été multiplié par 7,4. La FGTB envisage de nouvelles actions d'ici la fin de l'année. Le syndicat s'est retrouvé en bureau fédéral hier et il a décidé d'organiser une journée nationale d'action. Cette journée, elle pourrait prendre la forme de plusieurs grèves. voire d'une grève générale. La FGTB va proposer à la CSC et la CGCLB de se joindre au mouvement. Le syndicat veut dénoncer différentes mesures prises par le gouvernement, comme par exemple la dégressivité des allocations de chômage. Enfin, en sport, en football, début réussi pour nos Diables en Ligue des Nations. Les Belges se sont imposés 0-3 face à l'Islande. Les buts de la victoire, on les doit à Eden Hazard et à Romelu Lukaku. Grâce à cette victoire, la Belgique va reprendre la tête du prochain classement de la FIFA. Maintenant chez Bellisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Passez chez Bellisol avant le 23 septembre. Bellisol. Châssis et portes sans souci depuis plus de 40 ans. C'est Orcade sur Énergie, bon réveil avec nous. Bonne journée, c'est le 6-9, bonjour. Maroon 5 dans un instant. Et le réveil dans la bonne humeur, c'est ici sur Énergie, évidemment, avec vous, avec les fifous du matin. Toute l'équipe qui est là, il y a Aurélie de la rédac. Bonjour. Il y a Tiffany au standard. Bonjour. Arrête de pailler, on voit tout, toutes tes amygdales, sans déconner. Bon, enfin. On voit toutes tes amygdales. Il y a Frisco qui est là aussi. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Il nous a mis un beau pulso aujourd'hui. Carolo ouais. Est bien élevé. Bah écoute, c'est vrai. Carolo, oui, mais bien élevé, je sais pas. Tu insultes ma maman en disant ça. Okay. Oui, non, pardon, c'est vrai. Je n'ai rien dit. Il y a Jérém aussi qui est là ce matin. Bonjour, bienvenue. Attention, les amis, on va parler d'un truc de fou qui va démarrer et ça va se passer ici sur Énergie et un petit peu plus dans le 6-9 en plus. Le fugitif Énergie. Le fugitif Énergie. Un homme qui vaut, ou une femme, 20 000 euros, c'est le fugitif Énergie. On ne sait vraiment pas du tout qui c'est. Il va partir dimanche soir d'ici d'Énergie. Ouais. L'attendez pas devant, hein, ça sert à rien. Je vois déjà le truc, ne bouge plus, on t'a eu, c'est bon. Non, le truc qui dure même pas deux minutes. Oui, quoi. C'est bon, j'ai trouvé le fugitif. Il va partir dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi. Il va partir d'ici des studios d'Énergie et il va se balader un peu partout dans le pays, partout en Belgique. À tout moment, il peut être à côté de vous. Ouais. Enfin, se balader, il va plutôt essayer de se cacher. Oui, mais il va se balader, il va vous narguer aussi. C'est ça le concept du fugitif. C'est qu'à un moment donné, il peut être dans la file à la boulangerie et le gars est juste à côté de vous. Et vous ne savez pas. T'as la pompe à essence, tu vas chercher des. Je sais pas, tu vas payer et tout. Et il a la caisse, il prend des chewing-gums. Exactement. Ouais. Sauf qu'il vaut 20 000 euros. Ça serait pas c'est mal dingue. De le trouver quand même. Ça démarre très bientôt sur Énergie. C'est le fugitif Énergie avec les casinos Golden Palace. Il vaut 20 000 euros. Vous tombez dessus, vous le trouvez, vous lui serrez la main, vous lui posez cette question qui est très très importante. C'est êtes-vous le fugitif Énergie? Il vous répond oui. 20 000 euros in the pocket. Eh ben franchement, ça me donne envie de jouer. Moi, je suis comme un dingue. Hein. Je pense que je vais le chercher aussi, même si je peux pas gagner. Rien que pour le kiff, je vais le chercher. Oh bah moi, je vais même te dire, j'hésite à démissionner. Hein. T'imagines le gars à la boulangerie qui se retourne et qui dit, c'est vous le fugitif énergie? Ben non, monsieur, arrêtez de m'agresser. Spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl. Yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. l'une des artistes préférées de Jerem en ce moment, à 7h08, Cara Luciani qui va arriver sur Énergie. Oui, eh ben vous aimez, ça arrive, c'est dans le 6-9, ça arrive. Cara Luciani dans un petit instant. Énergie. 7h08, on va parler de Pamela Anderson. J'ai déjà une info, enfin je pense que vous êtes au courant, mais je ne savais pas moi. Avec Adil Rami, le joueur français. Ouais. Ils sont ensemble, ils sont en couple. Mais je pense que c'est fini. Elle l'a largué. Ah bah t'es bien au courant toi. Ils étaient en couple. Mais en fait le mec, ils étaient en couple pendant genre 2 ans, tu vois, et il vient d'apprendre aujourd'hui alors qu'ils viennent de se séparer, tu vois. On parle de Pamela Anderson, puisque c'est ça d'ailleurs qui est comique, puisqu'ils étaient, c'était quand, hier ou avant-hier, l'un sur TPMP et l'autre sur Quotidien. Ouais, les deux chaînes. À la même heure en frontal, quoi. Les deux concurrents. Vous êtes sûr qu'ils sont plus. Moi je dis. Ça fricote encore. Non, parce que Pamela Anderson, elle va faire Danse avec les stars, donc c'est pour ça qu'elle est tout le temps à Paris. Et bah alors, Abdel Rami, il faut le parquer. Mais non, mais Abdel Rami, il joue à Marseille. Oui, bon. bref, on parle de Pamela Anderson, puisqu'elle est venue dans Quotidien hier, elle était l'invitée de Yann Barthès, et elle avait posé des conditions. Des conditions pour sa venue, comme une star. En même temps, c'est une star, donc oui, ça fait plaisir. Elle a exigé d'être maquillée avec des produits vegan. Elle a refusé de s'asseoir sur un siège en cuir. C'est vrai? Ouais, elle est très à fond sur. Elle est un peu comme Evangélie, quoi. Ouais, très engagée sur la cause écologique et animale. Voilà. Ah ouais. Ok. Donc, du coup, pas de maquillage avec de la viande. Je savais pas déjà qu'il pouvait y avoir de la viande dans le maquillage. Quand il passe un Frisco, il va manger du maquillage. qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, mais non, c'est juste que, en fait, les maquillages vegan ou je sais pas quoi, vegan, c'est ouais. Juste que c'est pas testé sur les animaux, vegan. C'est ça, Aurélie? Mais il faut savoir que dans certains produits cosmétiques, il y a des graisses des animales, substances des, ouais. Issues, oui, d'animaux, qui, ça vient des glandes de certains animaux. Ah ouais. Wow. Eh ben voilà, les filles, hein. Continuez de vous maquiller, allez-y. Vous êtes plus belles naturelles. Mais évidemment. Oui. Et du coup, ça m'a donné envie de ce matin de faire un petit tour de l'équipe et voir avec vous qui est un peu. Si vous étiez une star, vous imaginez une star de votre pays ou une star de ce que vous voulez, une chanteur, star, quoi. Une grosse rockstar, quelles seraient vos exigences? Ça serait quoi, toi, Jérém? Alors, si je suis invité quelque part dans ma loge, je demanderais des bébés chiens dans ma loge. Oh, j'adore. Je deviens gaga quand j'ai des bébés chiens autour de moi, comme ça. Ok. Et puis une table de ping-pong si je m'ennuie. Voilà. Ok. Ok, pas de problème. Ouais, je sais, il n'y a aucun rapport entre les chiens et la table de ping-pong, mais ce serait ma. Voilà, ce serait mon caprice de star. Aurélie de la Redac, serait quoi ton caprice de star? Ah, moi, avoir une styliste personnelle, tu vois, qui vient avec des tringles remplies de vêtements. Ah ouais, ouais, je vois, bien ça. Hein? C'est elle qui t'habille. Et que je dis non, pas ça. Ça non plus. Ça serait top. Tiffany du Standard. Ah, mais moi, je rêverais d'avoir un jacuzzi avec une télé. Il y aurait aussi du champagne, un buffet dessert. Ah, toi, tu vas pas faire l'émission quand tu vas dans ton jacuzzi. Voilà, c'est ça. Madame... Avec des masseurs pour me détendre. Madame Tiffany, c'est à vous dans 2 minutes. Oh non, laissez-moi tranquille ici. Je suis dans mon jacuzzi, ouais, vous voyez pas. Frisco, ce serait quoi, toi? Ouais, mais vous allez encore vous foutre de moi. Moi, je veux une piscine en carbonara. Oh, une piscine carbonara, un miroir carbonara, un siège carbonara, je veux tout du carbonara. Je veux tout en carbonara. Ça me fait penser dans Forrest Gump avec Booba Gump. La salade crevette, la crevette au champagne, la crevette. Ben lui, c'est ça. Le miroir carbonara. Ouais, tout en carbonara. Je veux voir un lardon, tu vois, dans le miroir. C'est Arnaud sur Energy, voici Cara Luciani. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. Déguisé au matin. Miss Fancy dans un instant. J'adore ce nouveau titre. Le nouveau Louis Fancy avec Steph London en mode Calypso. On écoute ça dans un petit instant. Et je vous rappelle aussi l'iPhone 10 pour chez vous ce matin. Si vous voulez le gagner, c'est maintenant que ça joue. Il suffit d'envoyer un petit SMS. Un tout petit SMS. Oui, un tout rikiki. Un tout petit rikiki SMS. Oui, il n'y a que 5 caractères. Vous envoyez phone, P-H-O-N-E, phone. Par SMS au 78, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Phone au 78, on vous appelle à 9h. Ouais. Et on vous envoie l'iPhone chez vous avec Siri compris dedans. Vous allez voir, il est un peu relou des fois. Il se met à parler comme ça alors qu'on lui a rien demandé. Ouais, c'est ça. Ouais, mais au moins, si t'es seul, t'as de la compagnie. Eh oui. Pourquoi tu parles comme ça? Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Envoyez phone maintenant au 78 pour vous inscrire. On vous appelle dans un petit peu plus de 2h, enfin un petit peu moins. Oui. Coussi, coussa, quoi. 1h45, quoi. Merci. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Toute la journée. Only. En ce moment chez Colruyt, c'est le festival du vin. Recevez un magnum de vin gratuit à l'achat de 6 bouteilles identiques parmi une sélection de 12 vins. Profitez-en jusqu'au 25 septembre inclus. Conditions sur colruyt.be. Colruyt, les meilleurs prix pour chaque produit à chaque instant. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. 50€ pour la dernière tournée ? In the pocket. Vous avez entre 18 et 25 ans ? Ouvrez maintenant votre premier compte à vue ING gratuit et recevez 50€. Infos et conditions sur ing.be/jeune. Dis, placer un miroir. Alors ça se fait avec du Texet. Et placer un thermostat. Texet. Et placer une bonne blague. Ah, drôle. Texet, ça colle. T'es un petit comique, toi, hein. Un accident ? Nous venons sur place pour vous aider à remplir votre constat. Même la nuit, Corona Direct Assurance. Directement assuré, directement rassuré. Direct. Envie de vivre des vacances extraordinaires ? Plongez ensemble dans un paradis aquatique, réalisez des activités passionnantes et visitez Disneyland Paris. Découvrez Village Nature Paris, une expérience Center Parks unique. Réservez maintenant sur centerparks.be. Center Parks, ensemble, vraiment. Un resto à deux. Un ciné. Un anniversaire. Une journée à la mer. Une sortie au théâtre. Ne rien faire. Avec la nouvelle Audi A6 Avant, créez votre propre espace-temps. Gérez l'intégralité de votre infodivertissement à l'aide d'écrans tactiles intelligents. Vous avez ainsi plus de temps pour faire ce que vous aimez vraiment. Testez les technologies innovantes de la nouvelle Audi A6 Avant et profitez de conditions exceptionnelles sur toute la gamme chez votre distributeur Audi et sur Audi.be. Monsieur le directeur. Si c'est pour me dire que vous avez gagné à l'euro-million, je sais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire que j'ai oublié le dossier Morin à Copacabana. J'ai passé le week-end là-bas. Non, je suis désolé. Ils vont vous l'envoyer par coursier. C'est le moment de devenir scandaleusement riche. Vendredi 21 septembre, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Et dire que vous allez devoir choisir. Découvrez notre offre illimitée de smartphones à 9€ avec Koala Limited Edition. Orange. Conditions sur orange.be. Voilà, les vacances sont finies. Il est temps de retourner bosser. Mais aussi après le boulot, d'aller boire un verre, de faire du squash avec les potes, de se faire un resto, d'aller voir un film avec les copines, faire du shopping, du jogging. Et de se rendre vite et pas cher à ses activités, de se garer facilement. Profitez des deals back to work chez Smart. Choisissez entre essence et électrique et faites d'énormes économies. Oh top, ça me permettra d'autant plus d'aller boire un verre, de faire du squash avec les potes, de se faire un resto, d'aller voir un film avec les copines, faire du shopping, du jogging. Les deals back to work de Smart, infos et conditions chez votre concessionnaire Mercedes-Benz, Smart ou sur smart.com. Smart. Dans un instant, on joue à des chiffres, mais pas de lettres. Un nouveau jeu qui arrive dans quelques instants sur Énergie. Avant ça, un point sur les conditions routières ce matin. Assez compliqué sur le 40. Un accident s'est produit à hauteur de Woluwe-Saint-Pierre en direction de Bruxelles. Il n'y a qu'une bande de circulation qui est libre. Ça veut dire qu'il y a pas mal de bouchons. Vous perdez plus de 2 heures à partir d'Everly. Alors, si vous le pouvez, la police vous demande de quitter l'autoroute à Sterrebeek, si c'est possible pour vous, évidemment. Et puis, je vous rappelle cet autre accident sur le 25 à hauteur d'Hambourg en direction du Luxembourg. La bande de droite est bloquée, la circulation est ralentie. Allez, courage, hein. 2 heures, c'est pas cool. Hein. Puis, c'est encore moins cool quand t'as la personne qui te dit si vous pouvez sortir alors qu'il vient de passer la sortie, tu vois. Ah, aussi. Et c'était là que je devais. Non ! Courage à vous, c'est le 6-9 qui est là. Bon réveil avec le 6-9 sur Énergie. Aïe, bailalo, bailalo. Boom, panne, ready, boom, panne, baseline. Confident, you never get declined. Man, come off and beg your take time. Fonse and Steph London. Tu no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo. Y te diré lo que quiero si tú te quedas conmigo. Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Sur Énergie, c'est bien, on a répété les maths. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 5, drive. Calypso. Calypso. Dans un instant, Lost Frequencies. Le duo belge entre Lost Frequencies et un moins belge, c'est James Blunt. Mais c'est pas mal. Hein. Ça marche très bien. C'est très très fort. Lost Frequencies, James Blunt, dans un petit instant sur Énergie. Avant ça, on va jouer à 7h34 quasi. Et j'avais c'est Tiffany qui est en panique, qui me regarde. Ben oui, c'est maintenant. Qui vient jouer avec nous ce matin, Tiffany? Ah, elle est toujours pas là. Toujours, elle est... évidemment. Elle est loin d'être prête. Qu'est-ce qui se passe? C'est la panique à bord. Ah, voilà, c'est bon. Alors, c'est Amandine qui vient jouer avec nous. Elle travaille dans une grosse entreprise pharmaceutique. Elle est mariée, elle a 3 enfants et alors elle aime surtout la lecture et le sport en famille. Alors, elle aime regarder les émissions culinaires comme Top Chef, Cauchemar en cuisine. Ah bien. Ah, j'adore voilà. Moi aussi ça. Cauchemar en cuisine me fait beaucoup rire. Ah, j'adore. Ah oui, je te blesse, il est exceptionnel. Comment tu dis? Et Philippe, il est vraiment top. Bonjour Amandine. Bonjour. Soyez la bienvenue dans le 6-9 Amandine. On va jouer à un tout nouveau jeu ensemble. Ça s'appelle des chiffres et pas de lettres. Tu vas jouer en affront, en duel avec quelqu'un de l'équipe. En affront. Un affrontement, quoi. Oui, voilà. Je te laisse choisir avec qui tu as envie de t'affronter ce matin, Amandine, dans l'équipe. Il y a Jérém, il y a Aurélie Daredac, il y a Frisco, il y a Tiffany au standard aussi. Tu choisis qui? Moi, peu m'importe, franchement. Décidez-vous peut-être. Je te donne Frisco, ça te donnera plus de chance. mais t'es vraiment méchant. Tu commences à devenir un peu dédaigneux avec moi. Comment Amandine, tu dis dédaigneux. Ouais. Frisco, c'est le mot qui m'est venu le premier en tête. Nous allons jouer à des chiffres et pas de lettres. Le concept est simple. Okay. Je vous pose des questions, les réponses sont chiffrées. C'est d'abord Amandine qui donne sa proposition. Toujours. Toujours. Parce que tu es galant. Oui, évidemment. Évidemment. Et évidemment, tu ne copies pas sur Amandine. D'accord. Et c'est une réponse chiffrée. Celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse gagne le point. Le premier à 3 a gagné. Ok. Combien de planètes y a-t-il dans notre système solaire ? Amandine. Il y en a pas mal, donc je dirais... C'est pas une réponse, ça, non ? Non, une réponse chiffrée. Ah, je vais dire... Oui, mais il y en a plus, mais je dirais oui. 10 planètes pour 8. Amandine. Non, 8. Ah, 8, pardon, ok. Ouais. Et toi, Frisco ? Moi, je pense qu'il y en a 7. Frisco nous dit 7, Amandine nous dit 8, et le résultat, c'est 8. Bonne réponse pour Amandine. Ah, bravo ! Génial ! Eh oui, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et le fameux Neptune. Et Pluton ? Non, on le compte pas, celui-là. Ok, d'accord. C'est pas une planète, Pluton. Ah bon ? C'est du plutonium qui se balade. Combien, je rigole, hein, bien évidemment. Je prends à croire qu'on raconte des bêtises. Combien de communes y a-t-il en Belgique ? Oh, il y en a pas mal. Mais il y en a pas mal comme les planètes. Oui, voilà. Je dirais 30. 30 communes, ok. Frisco ? Un peu plus. Je vais dire 340. Eh ben, c'est Frisco qui est le plus proche. 589 communes en Belgique. Quand même. Ah, c'est beaucoup. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est beaucoup. C'est pas mal. Bon, c'est le point pour Frisco, ça fait 1-1. Combien de sports y a-t-il aux Jeux Olympiques ? Combien encore ? 40 ? Mon fils dit 40. 40, Frisco ? Moi, je vais dire 25. Et c'est Amandine qui est la plus proche. 41 sports, bravo. 41 ouais. Ah oui, parce qu'attention, on ne confond pas les sports et les... C'est pas la même chose que les disciplines ou les épreuves. Hein. Pas ouais. Tout mélanger, monsieur. Donc l'athlétisme, en fait, c'est une discipline. Et donc, dans les trucs, t'as le 100 mètres, etc. T'as tout compris. D'accord, donc je me suis fait avoir. Attention, la petite dernière Amandine, peut-être pour repartir avec du cadeau. Combien de films James Bond? James Bond. Combien de James Bond y a-t-il? Il y en a eu combien? Écoute, on est fatigué, Amandine, ne juge pas. Bon, moi je conduis, donc j'avoue que je n'ai jamais regardé. Je dirais 7. 7 James Bond, ok. Et je vais dire 8. 18. Oh, tu pouvais pas lui laisser la bonne réponse. Frisco gagne le point puisque c'est 26. Il y a eu 26 James Bond depuis 1962, oui. Et on va faire très très vite, puisqu'on est très en retard. Déplacer de l'art, ça peut coûter très cher, sachez-le. C'est le cas pour le tableau de la Joconde. Il a été déplacé et son transport, à votre avis, il a coûté combien ? Une estimation. Il a voulu être déplacé. À peu près, une fourchette. Je vais dire 100 000 euros. 100 000 euros ? Non, moi je veux dire, je sais pas moi. Plus. Non, 60 000. Tu dis moins ? Ouais, c'est bon, c'est un tableau quoi. Eh ben vous allez être sur le pet. C'est Amandine qui est le plus proche de la bonne réponse. Oh mais c'est beaucoup plus que ça. Ça a coûté 30 millions d'euros. C'est vrai ? C'est un truc de fou. Hein. 30 millions d'euros pour déplacer la Joconde. Laissez-la où aller. Hein. Amandine, on t'envoie du cadeau, on te laisse choisir. Je te repasse Tiffany et c'est elle qui va faire le choix avec toi. Place de ciné, dernière compil énergie ou l'enceinte Bluetooth. Bisous Amandine, bonne journée. Bonne journée à vous. Bisous. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Achetez maintenant votre Seat Ateca à partir de 17 999 euros. Prime de reprise incluse sous condition. Et tentez de gagner son remboursement. Info sur Seat.be. Seat. Alvaro Soler dans un instant côté hit. 7h31. Voici la météo pour aujourd'hui. Très important. Le temps devrait rester sec aujourd'hui, sauf sur le nord du pays où on attend quelques gouttes de pluie. Sinon, on aura des nuages, quelques petites éclaircies. Côté température, entre 17 et 19 degrés ce matin, entre 18 et 26 degrés cet après-midi. L'actualité de ce mercredi 12 septembre avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, la FEF réclame de meilleures conditions d'études. Hier, la Fédération des étudiants francophones a présenté 10 propositions destinées aux pouvoirs locaux. Parmi ces propositions, il y a l'instauration d'un minerval le plus bas possible. En 6 ans, les demandes d'allocation d'études ont grimpé de 21,3%. Et puis, en 15 ans, le nombre d'étudiants dépendants du CPS a été multiplié par 7,4. Parlons de l'éducation, de l'avenir des enfants. Dans une étude d'Infino, pour les parents belges, les valeurs les plus importantes sont l'honnêteté, l'amour et la confiance en soi. Concernant l'éducation, les couples se disent généralement en parfaite harmonie. Seuls 4% affirment être totalement opposés. Concernant l'avenir, les parents sont un peu inquiets pour leurs enfants. Sachez enfin que 58% des Belges estiment être de bons parents. On pourrait avoir de nouvelles grèves d'ici la fin de l'année. La FGTB s'est réunie en bureau fédéral hier. Elle a décidé d'organiser une journée nationale d'action. Cette journée pourrait prendre la forme de plusieurs grèves, voire même d'une grève générale. La FGTB va proposer d'organiser tout ça en front commun avec la CSC et la CGCLB. Le syndicat veut dénoncer différentes mesures du gouvernement, comme par exemple la dégressivité des allocations de chômage. Enfin, en sport, en football, c'est un début réussi pour nos Diables Rouges en Ligue des Nations. Les Belges se sont imposés 0-3 face à l'Islande. Des buts que l'on doit à Eden Hazard, mais aussi à Romelu Lukaku. Précisons que grâce à cette victoire, la Belgique va reprendre la tête du prochain classement de la FIFA. L'info énergie. L'info énergie, 7h30, tous les jours, on s'informe avec une petite info sympathique. On parle de quoi aujourd'hui, Aurélie ? On va parler Saint-Nicolas. Vous avez déjà pensé à votre liste ? Oula, est-ce que vous avez été sage ? Oui, mais moi j'ai déjà pensé. Moi, j'ai soyez sage, mais pas trop. Tu as déjà pensé, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, moi je veux un ballon de foot. Ah bon ? Tu veux un ballon de pas foot ? Pas des donuts. un ballon de foot en donuts. Bah moi, je vais vous parler des jouets qui vont cartonner d'ici peu. Ah. Il y a par exemple une poupée, elle fait tout comme un vrai bébé. Elle a des capteurs dans les pieds, dans le ventre, dans les yeux. Donc, elle sent quand on la chatouille, elle cligne des yeux et elle a la peau, mais vraiment la peau qui ressemble à celle d'un vrai bébé. C'est dingue, ça. En plus, fait peur même. Ouais. Attends, c'est pas fini. Elle réclame à boire, elle parle, elle pleure. Elle joue avec son petit chien. C'est pour dégoûter les enfants d'avoir des enfants, quoi. Et le pire, C'est une poupée, on aurait pu l'appeler Frisco, parce que quand elle dort, elle ronfle. Oh non. Si. En tout, cette fameuse poupée, elle connaît plus de 100 phrases. Ça va faire plaisir aux parents. Hein, ah purée. T'es sûr que ça va cartonner? Parce que comment tu le vends là? Si, hein, les enfants, ils aiment bien tous ces, tous ces jouets. C'est chouette qui font pipi et tout. Mais de parler et tout. Du réel. Alors, parmi les autres jeux qui vont bien fonctionner, normalement, il y a un train interactif. Et puis surtout, ça, ça va faire plaisir. Un Monopoly version tricheur. Oh, génial. Ah, génial. Enfin, enfin, ils y ont pensé. À toi. Et qu'est-ce qu'ils appellent version tricheur? Ah bah, tu peux tricher, donc tu peux piquer des sous. C'est génial. Saint-Nicolas, j'ai été sage cette année. Envoie-moi, envoie-moi le Monopoly tricheur. Non, je suis pas un tricheur. Non, c'est pas vrai. La sécurité au travail avec Fédéral Assurance. De belles prévisions assurées. Alvaro Soler qui va arriver dans un instant sur Énergie. 7h35, on est là, bonjour. C'est le 6-9 sur Énergie, on vous réveille comme chaque matin. On vous accompagne pour démarrer cette nouvelle journée. Milieu de semaine, c'est mercredi et c'est la journée des enfants. Dans un instant, c'est la Kids Line. Cool. Ah, j'aime bien ce moment, vous avez un enfant ou vous avez tout simplement moins de 12-13 ans. Moins de 13 ans, voilà. Je sais pas pourquoi je dis 12-13. Moins de 13 ans. Vous nous appelez ce matin, c'est gratuit. 0800-2-3-4-5-6. On va faire un petit point sur votre entrée avec vos cours préférés. Enfin, on va papoter, quoi. Voilà. Et c'est toujours très mignon parce que les enfants sont mignons. L'innocence. Les enfants sont formidables. La Kids Line sur Énergie, ça arrive juste après Alvaro Soler qu'on écoute maintenant. Voici la Cintura. Bienvenue, c'est le 6-9. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. Bajamos a la playa para así practicar. Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. On prend le petit déj avec vous comme tous les matins sur Énergie, c'est le 6-9, 7h39 dans un instant d'Adjo. C'est les chiens comme Django, Django, Django, Django. Et comme mercredi aux alentours de 7h35, le moment est venu de faire la Kids Line. Vous nous appelez, vous avez moins de 13 ans, 0800 23456. Moins de 30 ans. Vous nous appelez ce matin et vous venez avec nous dans la Kids Line comme Martin qui est avec nous ce matin. Bonjour Martin. Allô. Ouais. Bonjour. Ouais. Ouais. Ça va mon pote? Ouais. Ouais. Martin, c'est bien passé cette rentrée? Ça s'est bien passé. Un petit, ça va passer ça. Bon, et c'est quoi ton cours préféré déjà pour cette rentrée? Est-ce que t'as déjà un cours préféré? Les cours de sciences. Ah, ouais, c'est vrai. Et pourquoi? C'est la prof qui est sympa ou? Non, parce qu'il y a des expériences, des trucs chouettes à faire quoi. Ah, et ça je me rappelle. Hein. Ah. Tu vas voir, après c'est chouette, on dissèque une souris, c'est moins cool. Ou une grenouille. Toi c'était des souris? Oui, nous c'était des souris. Moi c'était des truites. Moi j'aimais bien aller au laboratoire. Mais oui, les trucs qui faisaient de la fumée et tout. C'est génial, hein. Mais t'imagines que ça fait de la fumée, en fait, ça change juste de couleur vite fait et ça fait rien de spécial. Eh ben, amuse-toi bien en sciences, Martin, mais attention, ne mets pas le feu à l'école. Hein. Le bec benzène, ne le mets pas trop fort. Ouais. On te souhaite une belle journée, Martin, des gros bisous. Attends, je peux faire une dédicace? Ouais, bien sûr, mon Martin, fais-toi plaisir, vas-y. Alors, dédicace à mes potes d'école, à mes profs et à mes parents. Bon, voilà, c'est passé, mon Martin. On te fait un gros bisou et bisous à tout le monde. Hein. C'est ça. Ouais. Bisous, ciao, Martin. Ciao, il y a Noémie qui est là ce matin. Salut, Noémie. Bonjour. Ça va bien, Noémie? Bien, vous? Bah oui, vous-même. Noémie, tu as quel âge, Noémie? 12 ans. 12 ans, et bien sois la bienvenue dans la Kids Line. Noémie, cette rentrée, si on veut faire un petit résumé? Bah, c'est super bien, et j'ai plein de cours et plein de profs, mais vraiment, bah, ça va quand je m'y retrouve. Oui, j'aime. Noémie, t'es dans la salle de bain, ça résonne? Non, je suis dans le hall devant Cécile, devant ma famille d'accueil. Bah, voilà. C'est un grand hall. Bon, oui. C'est quoi ton cours préféré, toi, Noémie? EDM. EDM. Études du milieu. Ah, oui. Moi, j'étais nul à ce cours. Eh ben voilà, Noémie te remplace, mon Jérém. Eh ben écoute, Noémie, passe une très belle journée. Profite bien de cette rentrée. Tu veux passer un petit message aussi? Je peux juste faire une dédicace? Eh ben vas-y, c'est ce que je te demandais. Vas-y, c'est une grosse dédicace à toute mon école et à tous les gens qui sont en famille d'accueil, parce que moi-même, je suis en famille d'accueil et franchement, respect. Ah bah, on les embrasse tous. On les embrasse fort, ma chérie. Et puis, bah, franchement, oui, c'est vrai que c'est pas facile des fois, mais bon, dis-toi que c'est bien. C'est mieux que rien. Mais c'est vrai. Ouais. On te fait des gros bisous, Noémie. Passe une très belle journée sur Énergie. Ok, merci à vous. Gros bisous, bisous. On a Charline qui est là aussi ce matin dans la Kids Line. Salut Charline. Bonjour les filles fous. Bonjour. Oh Charline, t'as quel âge ma chérie? 10 ans. 10 ans, oh là là, c'est mignon. Et alors cette rentrée Charline, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Toi, je sens que ton cours préféré, c'est les mathématiques. Non. C'est français. Mais avant, c'était les mathématiques. Ah, tu vois, j'avais senti le truc quand même. Et c'est quoi maintenant? Français. Ah, bien. Jérém avait vu juste. Bien, bien. Moi, le français. Nul en français. Je suis toujours nul en français. Tu connais une fable, déjà? Une fable de, de qui tu veux? Pas forcément de La Fontaine. Non. Non. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec... Oh non, c'est pas possible. Non, allez, Marco, allez. Eh ben, Charline, on te souhaite une bonne année à l'école, que tout se passe bien, et puis bah, le français à fond. C'est très pratique, tu verras, ça sert beaucoup. Nous, on n'a pas été assez en français, nous. On te fait des gros bisous, Charline, belle journée avec Énergie. Bisous. Oh, j'adore la Kids Line. C'est tous les mercredis, aux alentours de 7h35. Soyez là, vous voulez nous appeler, c'est gratuit. 0800 23456. Il y avait du monde, hein. Ah oui, mais bon, pas... Sinon, on fait une Kids Line jusqu'à 9h. Tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Il veut nous éloigner,

Ils ont été recalés à l'entrée. Ah, ils sont arrivés en retard. Leur coupe de cheveux. C'est pas du retard, c'est pas la coupe de cheveux, non. Aurélie c'est de la rédac. Une moustache. Tu portes la moustache, tu rentres pas. Non, c'est pas ça. Ils avaient plus de 18 ans. Ils avaient des petits tops à bretelles, on voyait les épaules. Ou non, mais c'est pas loin, c'est de la tenue vestimentaire, tout simplement parce qu'ils portaient des baskets. Oh. Ah bon? Pas de basket, tu rentres pas. comme en boîte. C'est comme en boîte, c'est ça. C'est incroyable. Hein. C'est fou, c'est vrai. Ouais, c'est au collège Roi Baudouin, la section technique et professionnelle, c'est à Scarbec. Voilà, ils ont été refusés. Ils doivent comprendre la différence entre la gymnastique et la vie quotidienne, a annoncé le directeur. Oh, c'est quand même sévère. C'est sévère. Hein. Moi, je me souviens, dans mon école, si tu avais le pantalon en dessous des fesses, alors, il te renvoyait pas directement, il te donnait des salopettes. Ah oui, c'est pas mal. Ça. Mais ça, c'était bien, c'était marrant. Du coup, on va parler de ça ce matin. Le jour où on s'est fait recaler de quelque part ou de quelque chose. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être avec une fille, ça peut être en boîte. Ça peut... Tout, de ah, tout, c'est tout, marrant, tout. Ça. De tout, de tout. Vous nous dites ça, SMS 3018. Le jour où vous êtes fait recaler, c'est à cause de quoi? 3018, 25 centimes le message. Ou alors, vous appelez Tiffany, c'est gratuit. 0800 23456. What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? Jason Derulo. That it's all for the best, 'cause it is. I was so wrong for so long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else. So no, I know I should have treated you better. Meant to last forever. So let me in. Give me another chance to really be your man. 'Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large. I'd do anything for you. So tell me, girl, what you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? Together, so let me in. Give me another chance to be your man. 'Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large. I'd do anything for you. So tell me, girl, what you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? Ça fait longtemps, on va l'écouter dans un instant, James Arthur. 7h58, restez là. À 8h05, c'est le duel énergie avec le retour de Benjamin, notre Benji qui est à 1100 euros dans sa cagnotte. Ouais, qui va venir l'affronter ce matin? Nouveau duel, c'est à 8h05, à tout de suite. Des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne, Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Le Hyundai Tucson n'est pas seulement le SUV le plus vendu en Belgique, il a aussi été élu le SUV le plus fiable de sa catégorie. Alors, à tous les Belges qui roulent en Tucson. Et pour ceux qui n'ont pas encore la chance de rouler en Tucson, Hyundai lance le nouveau Tucson. Lucky You. Venez le découvrir ainsi que nos autres nouveautés et profitez de conditions portes ouvertes du 14 au 23 septembre. Ouvert les dimanches. 8h01 sur Énergie. Bienvenue. And you're listening to Énergie. Le cop. La sécurité au travail avec Fédéral Assurance. De belles prévisions assurées. Dans un instant sur Énergie, James Arthur avance à la météo. Ce matin, des nuages à la mer et sur le centre du pays. Plus au sud, on a du soleil, des températures entre 17 et 19 degrés. Cet après-midi, les nuages seront plus nombreux. On aura même de la pluie sur le nord, côté température entre 18 et 26 degrés. On s'informe avec Aurélie Adam sur l'actu de ce mercredi 12 septembre. Bonjour. Bonjour, la FGTB pense à une nouvelle journée d'action nationale. Elle devrait avoir lieu avant la fin de l'année. Cette journée, elle pourrait prendre la forme de plusieurs grèves ou d'une grève générale. La FGTB espère rallier la CSC et la CGCLB à sa cause. Le syndicat socialiste proteste contre plusieurs mesures prises dernièrement par le gouvernement. Parmi elles, la dégressivité des allocations de chômage. Les Belges consomment trop d'alcool. Au niveau européen, la Belgique occupe d'ailleurs la troisième place des pays où la consommation d'alcool est la plus élevée. Par an, les Belges boivent 12,6 litres d'alcool en moyenne. La Lituanie et la République tchèque occupent les deux premières places. La surconsommation d'alcool est l'un des points épinglés par l'Organisation mondiale de la santé. Dans son dernier rapport, l'OMS pointe aussi le tabagisme ainsi que le surpoids et l'obésité. Il y a quand même un point positif, notre espérance de vie est en hausse. Enfin, en sport, en football, début plus que réussi pour nos Diables Rouges en Ligue des Nations. Les Belges se sont imposés 0-3 face à l'Islande hier soir. Les buts de la victoire, on les doit à Eden Hazard et à Romelu Lukaku. Précisons tout de même que grâce à cette victoire, la Belgique va reprendre la tête du prochain classement de la FIFA. Maintenant chez Bellisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Passez chez Bellisol avant le 23 septembre. Bellisol. Châssis et portes sans souci depuis plus de 40 ans. De semaine, c'est mercredi. Oui, c'est mercredi. Oui, c'est mercredi. Mais oui, c'est mercredi. C'est mercredi. Nous sommes le 12 septembre et on est là avec toute l'équipe du 6-9 ce matin. Bonjour. Bonjour. Quel bonheur d'être avec vous comme chaque matin. Dans la bonne humeur, on se réveille et on va construire cette journée ensemble. Oui, nous allons en faire une bonne journée. Un bon mercredi. Oh oui. Oh oui. Ensoleillé en plus. Oh, c'est pas beau ça. Ça me rappelle l'époque où l'école c'était bien. Parce que le mercredi après-midi, on travaillait pas. Et cette époque-là, et révolu. Pour nous, en tout cas. Pour nous, oui. Et profitez bien pour ceux qui ont cette chance. Vraiment, profitez-en. C'est vrai que les parents disent souvent, tu sais, tu dis, ah, c'est bon, ah, vous avez de la chance, vous êtes tout le temps en vacances. C'est vrai, je vous le confirme. C'est une chance. Bonne journée, en tout cas, avec nous sur Énergie. Dans un instant, c'est le duel qui débarque avec Benjamin qui va remettre son titre en jeu, peut-être ce matin. C'est juste après James Arthur sur Énergie. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody else. They love you like nobody else. And I hope you give them something real. Oh, I love you still. But you deserve better, better, better, better. Give up on me, cause babe, I'm hopeless. The more it hurts, the more you try. You know I loved, I just never showed you. It'll be too late when you're with some other guy. Like, ooh, oh, ooh, oh, I know I do this every time. Like, ooh, oh, just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better, and you even realize. You deserve better, better than me. You deserve might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody. Sur Énergie, DJ Khaled avec Justin Bieber. Beaucoup ce son. Le nouveau DJ Khaled, Justin Bieber, on écoute ça dans un petit instant. Avant ça, on va jouer comme tous les jours aux alentours de 8h05. Vous le savez, c'est votre rendez-vous sur Énergie, rendez-vous musical avec Benjamin qui revient pour le duel Énergie. Le duel Énergie. Benjamin qui est à 3 participations, il est déjà à 1100 euros dans sa cagnotte. Il revient ce matin pour sa 4e participation. Bonjour Benjamin. Salut l'équipe. Salut. Salut. Benjamin est très fort au duel énergie, il faut le dire, mais il n'est pas imbattable. Nul n'est imbattable. Vous pouvez venir tenter aussi de l'affronter, c'est très simple. Vous envoyez duel par SMS au 6018, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Il y a beaucoup d'argent à vous faire, jusqu'à 500 euros par jour. Et cumulable en plus. Et cumulable, ça c'est un beau cadeau. Qui vient affronter Benjamin ce matin, Tiffany? Alors c'est Johan qui a 33 ans, qui est ouvrier polyvalent dans le bâtiment. Et alors il est archi fan de moto. Il adore rouler sur circuit et dès qu'il n'est pas sur les routes, il est devant la télé pour regarder MotoGP. Donc Benjamin, s'il y a des traces de... Johan, s'il y a des traces de freinage à faire, j'ai envie de dire, c'est à la radio et pas dans le pantalon. Oh la violence! Bonjour Johan! Salut l'équipe! Salut! Salut! Salut. Elle assume pas sa vanne. Hein. Non, c'est magique! C'est magique! Elle a fait un burn-out! Johan, Benjamin, vous allez vous affronter ce matin pour tenter de gagner jusqu'à 500 euros. 5 extraits et 100 euros par extrait. Donc vous l'avez compris, 500 euros possible ce matin. On joue avec des dessins animés car c'est mercredi et c'est la journée des enfants. Voilà. Avez-vous regardé des dessins animés ou est-ce que vous regardez encore des dessins animés peut-être? J'ai regardé, mais je ne regarde plus. Johan ne c'est regarde plus. Benjamin, pareil. Bon, et ben, voilà. C'est des dessins animés, je pense, de votre époque, à mon avis, enfin de notre époque, de notre génération. Oui. Ça devrait aller. On ne vous a pas mis Princesse Mère Teresa et tout ça, donc ça devrait bien se passer. On rappelle, votre buzzer, c'est votre prénom. Exactement. Il va falloir être un peu plus au taquet, Yann. Les amis, voici le premier extrait. On joue donc avec les dessins animés et il nous faut donc le titre du dessin animé, tout simplement. Le titre du dessin animé. Ça, c'est pas un film. Donc, le titre du dessin animé. Premier extrait. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Benjamin. Benjamin. Pokémon. Pokémon. Et Benjamin, il va commencer. T'sais. Comment ça m'énerve, moi. Comment ça m'énerve. Ça fait 100 euros, eh oui! Ça rappelle des souvenirs à Frisco. Ouais, j'allais dire, apparemment, il a beaucoup regardé Pokémon. Mais mec, j'avais la cassette jaune avec Pikachu qui me suivait partout là. J'avais un Nintendo 64 Pokémon Go, j'avais les cartes, j'avais les Pokéballs et tout. J'étais ultra fan. Et dans la rue, on l'appelait Sacha. Benjamin, Johan, ça fait 100 euros pour Benjamin. Et un point, Johan, tout est possible, ne t'inquiète pas. Attention, celui-là, ça risque d'aller très, très, très vite. Deuxième extrait, on cherche donc des dessins animés ce matin. Ouh là là là. J'ai cru entendre Benjamin avant, moi, mais je suis pas sûr. Moi, j'ai cru Johan. Hein. C'est vrai ? Oui, mais on peut faire un coup de maître pige. Vas-y, c'est toi qui décide. La nana, c'est Maître Moja dans l'émission. Sans déconner, quoi. Maître Ripley, nous allons écouter les replays. Pour moi, je suis du même avis que Jérém. Je pense que c'est Benjamin qui est juste avant. En fait, Benjamin, il gueule plus, c'est ça le truc. À mon humble avis, c'est Benjamin. Mais on réécoute ce moment avec le replay, tout simplement. Oui, mais on peut faire un coup de Maître Pige. Oui, tout à fait. C'était un petit peu avant. Autre prénom. Exact. Enfin, faut pas non plus redémarrer au jeu. On va y arriver. Inquiétez, Benjamin. On va commencer. Comment ça m'énerve. Ça fait 100 euros. Eh oui. On va y arriver, vous inquiétez pas, on est là jusqu'à 9h. On attend. 4 Pokémon Go, j'avais. Benjamin, Johan, ça pour Benjamin. Et voilà, un point. Johan, tout est possible, ne t'inquiète pas. Allez. Attention, celui-là. Pour moi, c'est Benjamin, mais on réécoute très vite. Deuxième extrait, on cherche donc des dessins animés ce matin. C'est Benjamin en premier, c'est sur le fil, je vous l'accorde, mais c'est Benjamin en premier quand même. Benjamin. On t'écoute. C'est les Simpsons. Les Simpsons. Et ça fait 200 euros. Le 6-9. On aurait dû faire le générique là-dessus, ça aurait été très drôle. Avec Frisco et mon petit Jérém. Johan, encore une chance maintenant. Tout n'est pas perdu. On croit en toi, Johan. Allez, Johan. On est avec toi. Allez, voici le troisième extrait. C'est Johan cette fois-ci. Elle est contente, j'adore ça. Ouais. Tiffany, elle est à fond derrière Johan. Johan, on t'écoute. Inspecteur Gadget. Mais oui. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Ça fait un point, Johan, ça fait 100 euros. Peut-être pour toi si tu deviens le maître du duel ce matin. C'est ce qu'on te souhaite. Tout est possible. Il reste deux extraits. Il suffit d'en retrouver les deux prochains en fait. Là c'est du sans faute qu'il faut nous faire, Johan. Attention. Au taquet. Celui-là, il est chaud. Moi je vous le dis, il est compliqué, mais il faut avoir regardé. Mais je pense qu'il y en a un de vous deux qui a dû regarder, Johan ou Benjamin. On rappelle, c'est des dessins animés. C'est bien ce que je pensais, aucun de vous deux a regardé. Tant pis. Non, et ben si vous avez trouvé. Vous avez été fan de ce dessin animé, qui existe encore, je crois. Oui, évidemment. C'est un dessin animé mythique. Ne dites plus rien, les garçons. Benjamin, Johan, c'est pour les fifous ce matin. Si vous êtes en voiture en ce moment, vous avez trouvé cet extrait, vous pouvez l'envoyer. Vous envoyez duel plus la bonne réponse au 78. On réécoute. Et je vous rassure, c'est pas le club Dorothée. Voilà, je vous épargne quelques réponses. Vous envoyez duel plus la bonne réponse au 78 et la possibilité de venir jouer avec nous et de gagner aussi beaucoup d'argent et du cadeau. Benjamin, Johan, voici le dernier extrait. Je croise les doigts pour vous, les gars. De nouveau sur le fil. Là, c'est un peu chaud, je vous dis. Je sais pas dire. Ouais, moi non plus, je sais pas dire. Là, c'est un peu compliqué, je dois le reconnaître. Maître Ripley. Ouais. On va réécouter Maître Ripley. C'est pour les fifous ce matin, si vous êtes en voiture en ce moment, vous avez trouvé cet extrait. Maître Ripley, t'es pas en forme aujourd'hui, d'habitude. Vous envoyez duel plus là-bas. D'argent et du cadeau. Benjamin, Johan, voici le dernier extrait. Je croise les doigts pour vous, les gars. Il vit dans un anastor. Benjamin, encore. Benjamin. Ouais, Benjamin. Bon, Benjamin. Bon, ben, Benjamin. Alors. Bon, ben, Benjamin. Bon, ben, qu'est-ce que je te dise, moi, si Maître Ripley. Tu me pleures pas, Tiffany, ça sert à rien. Hein, Benjamin, on t'écoute pour ta proposition. C'est Bob l'éponge. Bob l'éponge, si c'est la bonne réponse ce matin, Benjamin, ça ferait 300 euros en plus à ta cagnotte qui nous amènerait à 1400 euros. Et tu resterais le maître du duel. Benjamin, tu nous dis Bob l'éponge. Et c'est Bob l'éponge, bonne réponse! Benjamin reste notre maître du duel. 1400 euros de cagnotte ce matin. Désolé, Johan, mais bien vu. Ça va, ouais. Bien joué, Benjamin. Ben ouais. Merci. Et merci pour ton soutien, Tiffany. Ah ben écoute, pas de problème. Johan, entre pas justement, Tiffany, et tu reviens quand tu veux pour tenter le duel énergie. Est-ce que je peux faire un petit coucou? Bien sûr, fais-toi plaisir. Alors, ben, un petit coucou à ma femme, Jennifer, ma fille, Luna, parce que j'adore. Les copains qui m'entendent, Joshua, Mathieu, et. Un grand big up à la tribu des 2046. Eh ben, le message est passé, Johan. Voilà. Bisous, Johan. Ils ont tous entendu que t'avais perdu. Bisous. On te souhaite une belle journée, Johan. Et puis, bah, écoute, Benjamin, rendez-vous demain 8h05, alors comme tous les jours. Je serai là. À 8h05 pour un nouveau duel énergie. Si vous voulez venir affronter Benjamin, très simple, vous envoyez duel par SMS au 78 si vous avez reconnu cet extrait. C'est un dessin animé. C'est pas évident. Ouais, pensez avoir la bonne réponse, vous envoyez duel plus la bonne réponse au 78 pour vous inscrire. Et demain, rendez-vous à 8h05 pour un nouveau duel énergie. Le duel énergie. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. You got me on the line. Les plus gros hits en voiture. We can do better. Les plus gros hits au travail. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things around. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit music only. Recevez 7000 euros d'avantage client sur votre Mini Countryman Docklands intégralement équipé. Infos et conditions chez votre concessionnaire Mini ou sur mini.be. Envie de vivre des vacances extraordinaires ? Plongez ensemble dans un paradis aquatique, réalisez des activités passionnantes et visitez Disneyland Paris. Découvrez Village Nature Paris, une expérience Center Parcs unique. Réservez maintenant sur centerparks.be. Center Parcs, ensemble vraiment. Voilà, les vacances sont finies. Il est temps de retourner bosser. Mais aussi après le boulot, d'aller boire un verre, de faire du squash avec les potes, de se faire un resto, d'aller voir un film avec les copines, faire du shopping, du jogging. Et de se rendre vite et pas cher à ses activités, de se garer facilement. Profitez des deals back to work chez Smart. Choisissez entre essence et électrique et faites d'énormes économies. Oh top, ça me permettra d'autant plus d'aller boire un verre, de faire du squash avec les potes, de se faire un resto, d'aller voir un film avec les copines, faire du shopping, du jogging. Les deals back to work de Smart, infos et conditions chez votre concessionnaire Mercedes-Benz, Smart ou sur smart.com. Smart, vous les avez peut-être vus à la télé, ces Wallons qui s'engagent pour la propreté de leur région. Comme Mehdi, qui aime parler de la forêt où il fait son jogging. Non, sérieusement, c'est tellement agréable de courir dans une nature impeccable. C'est voilà, je sais plus quoi dire. Vous aussi, faites comme Mehdi. Courez sur wallonieplupropre.be pour y trouver une foule d'actions utiles et le témoignage d'autres Wallons. Grande collecte chez Shoe Discount. Déposez vos chaussures, sacs à main et vêtements réutilisables et recevez un bon de réduction de 10 euros. Shoe Discount Xina. Une réduction à la carte ou une cuisine prête à l'emploi? Ce mois-ci, vous recevez les deux. Jusqu'à 1500 euros d'avantage sur votre électro et la pause offerte. Conditions sur xina.be. Xina. Toujours avec vous. Remboursez facilement vos amis pour la soirée pizza. In the pocket. Avec la PNG Smart Banking, vous remboursez vos amis tout de suite. Vous avez entre 18 et 25 ans? Ouvrez maintenant votre premier compte à vue ING gratuit et recevez 50 euros. Infos et conditions sur ing.be/jeune. Eri. Quand vous n'avez pas envie de... avec votre mari, vous pouvez dire... Oh non, chérie, pas ce soir. Pourquoi ? Mais en fait, j'ai un début de mal de tête qui arrive. Ça va passer. Ah, mais je t'ai pas dit, j'ai mes... Encore ? Je les ai déjà eu ce mois-ci. Trois fois. Ou alors ? Mais arrête, tu vois bien que je suis au téléphone quand même. Oui, maman, excuse-moi. Il n'y a pas de meilleure excuse qu'un coup de téléphone. Appelez en illimité pour seulement 20 euros par mois avec Koala Limited Edition. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Dans un instant, je vous explique comment gagner un iPhone. Le tout dernier, c'est l'iPhone 10. On vous l'offre ce matin sur Énergie. Restez bien là. Avant ça, un point sur les routes, Aurélie. Bonne nouvelle, l'accident qui s'était produit sur l'E40 à hauteur de Woluwe et Saint-Etienne a été dégagé, mais il y a toujours des ralentissements. Vous perdez plus d'une heure à partir d'Everlé. Toujours dans la région de Bruxelles, sur l'E411, vous perdez 17 minutes entre Oullart et Auderghem. Sur le ring extérieur, ça coince entre Argenteuil et Quatre Bras de Tervuren, comptez 29 minutes en plus. Direction la région liégeoise maintenant, avec cet accident sur l'E40 à hauteur d'Hermé-au-Sar en direction de Liège. Vous perdez 35 minutes à partir de Barchon. Chaque matin. Il vous donne la niaque. C'est la team du 6-9 sur Énergie. We the best music. Another one. Got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put them up if you with me, yeah. In the middle, oh. Put them high, put them high, this whole time. I blow the brains out of your mind. And I ain't talking about physically, I'm talking about mentally. She look like she nasty. She look like she classy. She look at her dancing. She look at, I took her to the mansion. You sneak out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. Change your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put them up if you with me, yeah. In the middle, oh. Put them high. You sneak out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Watch the sunrise. One night it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put them up if you with me, yeah. In the middle, Another one. Dans un instant, Tiesto, Jackie Chan. Ça va arriver, 8h23 sur Énergie. On espère que tout va bien, que cette journée démarre bien. Mercredi, dites-vous que c'est le milieu de semaine. Il en reste plus que deux après celle-ci. Et c'est ouais, fait. C'est le plus dur est fait. Ouais, ça ah, vraiment plaisir. Ce soir, quand vous allez rentrer à la maison, vous vous dites, ça y est, quoi. Il en reste plus que deux et c'est le week-end. Enfin, en Belgique, on commence déjà le jeudi. Donc, il en reste plus qu'une. On parle ce matin avec vous de ce jour où vous vous êtes fait recaler. Pourquoi ? Parce qu'il y a des élèves ici à Bruxelles qui se sont fait recaler à l'école parce qu'ils avaient des baskets. Ils n'ont pas pu rentrer au collège à cause de leurs baskets. Voilà, il ne faut pas mélanger gymnastique et vie quotidienne, c'est ce qu'a dit le directeur. Et du coup, on se pose ça ce matin, on se demande, voilà, vous nous dites, le jour où vous êtes fait recaler. Petit tour de table, on n'a même pas eu le temps d'en parler entre nous. Jérém. Le jour où je me suis... Ah oui, je me souviens, j'étais à un spa avec ma copine il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et je me suis fait recaler parce que j'avais pas le bon maillot. Tu sais, j'avais le maillot short, mais ils n'avaient pas mis sur le site qu'il fallait un short collant, enfin les maillots... un moule paquet, quoi. Moule paquet, voilà. Et alors, pas le choix, le gars m'appelle, il me dit, voilà, votre short, ça va pas, vous devez en acheter un, donc j'achète le maillot officiel moule paquet à 15 euros. Et je dis à Nat, ma copine, je dis, tu verras, c'est avec ce beau maillot qu'on va croiser des gens qu'on connaît. Tu crois pas que 10 minutes après, on croisait des bons amis à nous. Oh non. Qui ont fait, très joli ton maillot. Mais lui aussi avait le même, je suppose. Oui, non, il avait pas le même. Il avait un peu plus joli, mais moule paquet quand même. Frisco, le jour où tu t'es fait recaler, c'était quoi, toi? Moi, toute ma vie, moi. Il y a une phrase qui a été inventée pour moi, c'est « Je veux pas qu'on gâche notre amitié ». Tu vois? Ah, quand tu commences la friendzone. Ouais. Mais je pense que toute ma vie, je me suis fait friendzoner. Oh. Mais non, mais à l'aise, hein, je le vis bien, hein, vous inquiétez pas. On est au 30-18, à mon premier entretien d'embauche, j'avais pas mis de cravate. Ah bah oui, mais ça, c'est pas... Ça, c'est bête, ça. C'est un peu bête. Moi, pour ce qui me concerne, ouais. Tous les soirs avec ma femme, je me porte. Tout simplement. On peut aller chercher plus loin. Non, moi, c'est une anecdote quand même qui est assez drôle. C'est une fois un Energy Music Tour où je présentais. Le gars de la sécurité m'a dit non, monsieur, vous ne rentrez pas. Je présente là dans quelques secondes. Oui, bah, je m'en fous, je ne rentre pas. Pas de bague, je ne rentre pas. Il est où ton bracelet? Et je vous promets, et ça a été une guéguerre. Je lui ai appelé la responsable qui a dû venir et tout. Mais tu ne l'as pas reconnu ou quoi? C'est lui, c'est Marco. Ouais, bah non, mais il n'a pas de bracelet. Bah oui, mais. C'est très très comique. Tiffany. Oui, moi je me suis fait recaler. C'était en voyage à Avignon. On s'est fait recaler d'une boîte de nuit parce qu'on avait l'air trop violent. Quoi, trop violent? Ouais, voilà, avec une copine, on s'est fait recaler. Eh ben, ils étaient clairvoyants dans cette boîte. T'étais un peu bourré, non? Non. Pas plus non. Que d'habitude, non. Elle est tombée dedans quand elle était petite. Aurélie de la rédac, toi, c'était quand là? T'étais déjà fait recaler? Ouais, mon permis de conduire. Théorique. Ouais. Apparemment, c'est un mauvais souvenir parce que c'était dur à dire, donc c'est que ça reste très, très, très, très pas voulu sortir, dis donc. Ah ouais. Oui, c'est le plus dur. Hein. Vraiment, la théorique. Hein. Bah en non, pratique, parfois, c'est dur aussi. Ouais, c'est le vrai. Pire, c'est que j'avais eu 36 sur 40 à l'époque. Waouh! J'ai fait une faute grave de trop. Voilà. Je fais un créneau, je suis rentré dans l'autre gars devant. Petite anecdote, moi, à mon pratique, j'ai manqué d'écraser quelqu'un, mais je l'ai quand même eu. mais je l'ai quand même écrasé. Non, mais donc j'étais étonnée quand le gars est venu vers moi. C'est parce qu'il t'a trouvé violente. Il t'a dit, autant lui donner, je veux pas de problème. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. Sushi from Japan. Now yokes wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin'? No, don't call it South Beach. Yeah, look like Kelly Rollin'. This might be my destiny. Yeah. She want me to eat it. I guess dinner's on me. That you know I got the sauce like a recipe. She just wanna do it for the grand. You know you. She just want this money in my hand. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay, she gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yokes wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. Kick it, Jackie Chan. Now wanna kick it, Jackie Chan. Belle journée avec nous sur Énergie, 8h28 dans un instant. Il y a Jane qui va arriver avec All Right pour vous. On vous rappelle, on a l'iPhone 10. Oui, vous m'avez bien entendu, l'iPhone 10, le dernier, le X, le Ox, le ISX, le... Bref, celui qui te reconnaît. Il est classe, hein. Il ouais, se déverrouille, il voit ta tête et il se déverrouille. Ouais. C'est génial. Bon, pour les filles, c'est peut-être pas pratique. Hein. T'imagines quand t'es pas maquillé. Non, je sais pas qui c'est ça. Je ne déverrouille pas le téléphone. Vous voulez gagner l'iPhone X maintenant? Eh ben, très simple. Vous envoyez un petit SMS. C'est très rapide. Le mot code phone par SMS au 78 phone, comme un interphone mais sans l'inter. Phone au 78. 1 euro le message envoyé et reçu. Oula, l'iPhone X pour chez vous, ça tombe ce matin. Bonne chance. Hello, you there? gon' do? If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. Pulling up, drop top, two seats. We in Vegas, ooh, I made it. Ooh, I made she it. Wanna take a picture with me cause I'm famous. Cause I'm famous. Cut the money up, I know they hate it. I know they hate it. It was on one night, we never dated. Ooh. Made back in the back and we faded. And we faded. Stacking out the paper, we got paid. We got paid. And I'm straight. Straight. They gon' hate. They gon' hate. Hello, I'm pulling up right at 8. Ring, ring. La sécurité au travail avec Fédéral Assurance. De belles prévisions assurées. 8h31 sur Énergie. Voici un point sur la météo pour aujourd'hui. Ce matin, le ciel sera très nuageux du côté de la mer et le centre du pays. Plus au sud, le soleil sera présent. On a des températures ce matin entre 17 et 19 degrés. Cet après-midi, on aura des nuages sur l'ensemble du pays, de la pluie sur le nord et des températures entre 18 et 26 degrés. On s'informe sur l'actualité de ce mercredi 12 septembre, mais quelle fois déjà être vendredi. Et c'est avec Aurélie Adam, bonjour. Bonjour, en juin dernier, Plan International Belgique a dévoilé les résultats de son enquête sur le harcèlement sexuel dans les festivals. 60% des sondés affirmaient alors que le harcèlement sexuel est un problème fréquent, voire très fréquent. Cet été, l'ONG a mené une grande campagne de sensibilisation auprès des festivaliers et des organisateurs. Une campagne qui a fait du bruit puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de libérer 250 000 euros pour soutenir les initiatives destinées à combattre le harcèlement. De son côté, Plan International Belgique a fait appel à plus de 1600 jeunes de 16 à 24 ans pour trouver des solutions. Aujourd'hui, l'ONG dégage plusieurs priorités. Former les agents de sécurité, renforcer l'intimité des filles dans les campings et les toilettes, ou encore fournir des outils pour dénoncer et signaler les cas de harcèlement. La Fédération des étudiants francophones veut de meilleures conditions d'études. Elle constate que de plus en plus d'étudiants doivent faire face à des difficultés financières. En 6 ans, les demandes d'allocation d'études ont grimpé de 21,3%. Et puis en 15 ans, le nombre d'étudiants dépendants du CPS a été multiplié par 7,4. La FEF a présenté hier 10 propositions destinées aux pouvoirs locaux. Parmi elles, il y a l'instauration d'un minerval le plus bas possible. Préparez-vous, on pourrait avoir de nouvelles grèves d'ici la fin de l'année. La FGTB s'est réunie hier en bureau fédéral. Le syndicat a décidé d'organiser une journée nationale d'action. Elle pourrait prendre la forme de plusieurs grèves, voire même d'une grève générale. La FGTB va proposer à la CSC et à la CGCLB de se joindre au mouvement. Le syndicat veut dénoncer différentes mesures prises par le gouvernement dernièrement, comme par exemple la dégressivité des allocations de chômage. On termine avec du sport et du football et ce début réussi pour nos Diables Rouges en Ligue des Nations. Les Belges se sont imposés 0-3 face à l'Islande. La pas victoire, mal. On la doit à Eden Hazard et à Romelu Lukaku. Précisons que grâce à cette victoire, la Belgique va reprendre la tête du prochain classement de la FIFA. Achetez maintenant votre Seat Ateca à partir de 17 999 euros. Prime de reprise incluse sous condition. Et tentez de gagner son remboursement. Info sur Seat.be. Seat. déjà 10 minutes que vous êtes arrivé au boulot. Et vous restez dans la voiture. Tout ça pour écouter un peu plus de 6-9. Faites gaffe. Vous êtes accro là. Le 6-9 sur Énergie. C'est nous, 8h34 sur Énergie, mercredi 12 septembre. On la démarre ensemble cette journée avec toute l'équipe qui est là. Bonjour. Bonjour. On est là avec les fufous du matin. Il y a Tiffany qui est au standard. Il y a Jérém qui est là aussi. Coucou. Il y a mon Frisco. Bonjour tout le monde. Il y a Aurélie de la rédac. Bonjour. Et il y a Jane. Dis bonjour Jane. Tu ne peux pas. On l'écoute dans un instant. Jane, elle arrive sur Énergie. En attendant, je voudrais vous parler de ça. Le fugitif énergie. Ah, ça va, mais je vous le dis direct, hein, toute la Belgique va être braquée sur le fugitif énergie pendant les prochains jours, pendant les prochaines semaines. C'est une personne qui va nous tenir en haleine, mais pendant, j'espère, très longtemps. Ah, ben j'espère aussi. Personne qui va partir dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, des studios d'énergie, et qui va aller en Belgique, se balader. Plus de balade de santé. Oui. un petit running. un petit running. Et non, mais c'est énorme, puisque le fugitif énergie, si vous le trouvez, vous gagnez 20 000 euros. 20 000 euros. Si vous trouvez ce fugitif, il sera en fuite partout dans la Belgique, ce qui est génial. Et en même temps, pas génial. C'est que d'un coup, il peut être derrière vous dans la file. Ouais. Il peut être à côté de vous dans les embouts. Il est capable de te dire bonjour dans la rue quand tu passes. C'est ça le pire. T'imagines ? Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et vous venez de passer à côté de 20 000 euros. Exactement. L'homme qui vaudra, ou la femme qui vaudra 20 000 euros, parce qu'on ne sait pas du tout quelle est cette personne, c'est le fugitif énergie avec les casinos Golden Palace. Ça débarque très très bientôt sur Énergie. Restez à l'écoute, ça va être énorme ce jeu. Je pense que même nous, j'hésite à démissionner moi pour participer, je vous le dis. Voici Jane. To look down at you. Things gonna be on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be Énergie, 5 Seconds of Summer. C'est le hit qui arrive dans un instant. Ah, ça donne la pêche, ça, le matin. J'aime beaucoup. Moi, j'ai la pêche. Ah, moi aussi. C'était dans quel film, ça? Ah, j'ai la pêche, je sais pas. Ah, si, ça me dit quelque chose. Ah, j'ai la pêche. Tire à la ligne. De quoi? Tire à la ligne. Tire à la ligne. C'est quoi, ça? Non, c'est une vanne, c'est pas un film, c'est juste que c'est de la pêche, donc tire à la ligne. Oh là là. Très belle vanne. Non, mais ça va, c'est pas grave. Hein. Frisco, mesdames et messieurs. C'était à 6h07 les vannes, au cas où. Mais bon, c'est pas grave. 8h38, aux alentours de 8h35, on se fait le mot gagnant trois fois par semaine à des heures différentes. Oui, on n'est jamais à l'heure, mais on aime bien. Un peu comme tout le monde. Hein, oui. C'est les minutes académiques. Hein, oui, voilà. Qui vient jouer avec nous ce matin, Tiffany? Alors, c'est Mathilde qui est puéricultrice et qui travaille dans une crèche à Kuckelberg et elle aime les émissions de filles du genre 50 minutes inside. Donc, Mathilde, toi et moi, on va être potes. Mais pourquoi une émission de filles? Moi, j'aime beaucoup aussi. Moi aussi, j'aime bien. On a un petit côté féminin. C'est un côté voilà. Salut les loups, bienvenue dans 50 minutes inside. Ouais, tu le fais bien. Bonjour Mathilde. Salut tout le monde, salut toute l'équipe. Salut Mathilde, salut. Qui vient jouer avec nous ce matin au mot gagnant. Le mot gagnant, oui, c'est ça. J'adore ce jeu parce qu'il est très rapide et très efficace. Tu vas avoir 20 secondes pour nous donner tout un tas de mots qui vont te passer par la tête, qui démarrent par une lettre bien précise que je vais te donner dans un petit instant. Il y a quelqu'un du studio de l'équipe qui va faire la même chose, mais dehors, pour pas que, voilà. Il reviendra, il fera pareil que toi, 20 secondes, hop, hop, hop, hop, tous les mots. Un mot en commun entre vous deux, et c'est du cadeau pour Mathilde. Ok, super. Mathilde, tu peux choisir, et puis tiens, le beau gosse de 9h qui est déjà avec nous dans le studio, c'est Tanguy qui est là, il mange ses cornflakes. Bonjour, comment du coup, et ben, tu peux pourquoi pas jouer avec lui, ça peut être drôle. Il y a Tiffany aussi qui est là, il y a Aurélie de la Reda, il y a Jérém, et il y a mon Frisco. Tu choisis qui? Je vais jouer avec Aurélie. Avec Aurélie de la rédac. Oui. Deuxième participation pour Aurélie, s'il vous plaît. Tu dois sortir en fait, Aurélie. Mais t'as confiance en moi. Et on rappelle qu'Aurélie, quand elle l'a fait la dernière fois, elle a perdu. Elle a perdu. Voilà. Choisis des mots simples. C'est un bon choix que tu as fait, Mathilde. Aurélie a l'air de stresser. Mais non, du tout. Mets tes oreilles, enfin tes doigts dans tes oreilles. Pas tes oreilles dans tes doigts parce que sinon c'est très compliqué. Mathilde. C'est moins pratique. C'est moins pratique, oui, c'est moins pratique. 20 secondes. Un maximum de mots qui démarrent par la lettre P. P comme Patrick. Voilà, la lettre P, c'est parti. Ok, super. Alors, pomme, poire, petit, papa, pigeon, poussin, propre, une porte, un petit poulet, un poulet, un perroquet, une perruche, du ping-pong, une phase, une phrase, une phalange. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Bon, wow, bravo, wow. Attends, déjà là. Attends, parce que moi, j'ai pas tout. Si, moi, je crois que j'ai tout. Ah là, perruche, là, t'as fait très, très fort quand même. Ah ouais. Oh, purée. Ah ouais, non, là, c'est fort. Qui crie comme ça derrière? C'est ma collègue Rachel. Et un gros bisou à mes collègues, Sissi, Youhou, Rachel, Karine. Elle est tarée. C'est une vraie fifou, Mathilde, hein, j'adore. Alors, est-ce que vous avez tous les mots ou pas, Jérém? Peut-être. Je pense. Bon, on verra bien si jamais il n'y en a aucun. Et là, il y a moyen que... Ouais, là, honnêtement, beaucoup, là, hein. C'est jouable. Aurélie, reviens. Là, honnêtement, c'est même plus que jouable. Aurélie, installe-toi. 20 secondes à ton tour pour nous donner tous les mots qui te passent par la tête, démarrant par la lettre P. Poire, pomme, pastèque... C'est bon. Mais oui. C'est génial. Calme-toi parce que les voisins vont appeler les flics. Hein. Mais c'est en péricultrice, c'est ça? Elle est péricultrice. N'allez surtout pas mettre vos enfants là-bas. Ils vont devenir sourds. Et c'est là qu'elle nous dit les enfants sont en train de faire la sieste. Ah, c'est magique. Tranquillement. C'est un truc de malade. Eh ben, c'est gagné, Mathilde, bravo. On te laisse choisir le cadeau ce matin. Tu as le choix entre 4 places de ciné, la dernière compil énergie ou notre enceinte Bluetooth waterproof pour écouter le 6-9 sous la douche. Je vais prendre les 4 places de cinéma. Eh ben, 4 places de cinéma. On t'envoie ça, Mathilde. Génial. Ne criez pas comme ça dans la salle de cinéma. Hein. Oui, c'est vrai. Merci à tous. C'est top. Super. Oh, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Pas, les gars. Merci, Mathilde. Bisous. Très belle journée à toi. Et bisous. Ouais. Et gardez la bonne humeur, c'est génial dedans. Ça va, merci beaucoup. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I 45 sur Énergie. Kenji. Pour oublier. Ça va arriver dans un instant. Et non, il faut pas oublier. On a l'iPhone 10. Et non pas des saucisses. C'est normal, Frisco les a mangés. On vous rappelle ce matin, on a l'iPhone 10. Oui, l'iPhone 10, le X, le tout dernier pour chez vous. Vous voulez le gagner? Je sens que vous avez envie de le gagner. Oh oui, je sens que t'as envie de le gagner. Il suffit d'envoyer maintenant le mot code phone, tout simplement. Et vous l'écrivez avec un P, s'il vous plaît. P-H-O-N-E, phone, comme phone. En anglais, quoi, en fait. Hein. Ouais, c'est comme tout téléphone. Exactement, sauf qu'on a enlevé télé pour faire plus simple. Phone par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. On vous appelle dans quelques instants. Il vous reste très peu de temps, les fifous, donc faites vite. Il vous reste moins d'un quart d'heure. Inscription maintenant, mot code phone. Par SMS au 78 et on vous appelle juste après. Donc faites vite, je dirai pas deux fois. Phone par SMS au 78, 1 euro le message envoyé reçu. Bonne chance! C'est le 6-9. Vous ne le connaissez pas. Il est quelque part en Belgique. Peut-être dans votre ville. Peut-être dans votre rue. Peut-être juste là, assis à côté de vous. Si vous le trouvez, à vous la récompense promise de 20 000 euros. Le fugitif énergie. Bientôt. Écoutez le 6-9 sur énergie chaque matin pour en savoir plus. Avec Golden Palace Casino et Sport, nous prenons le jeu très au sérieux. Guy, placez un miroir. Alors ça se fait avec du Texet. Et placez un thermostat. Texet. Et placez une bonne blague. Ah, drôle. Texet, ça colle. T'es un petit comique, toi, hein ? Le samedi 15 septembre, prenez place autour de la table rouge dans votre Deleuze. Nous répondrons à vos questions sur Nutri-Score, ce logo de 5 lettres et 5 couleurs avec lequel mieux manger devient un vrai jeu d'enfant. En plus, vous pourrez déguster gratuitement nos céréales. Deleuze, du côté de la vraie vie. Action valable aussi dans les AD, Proxy et Shop & Go participants. Si la Terre se réchauffe encore, le niveau des mers va monter. Sérieux ? On ira en bateau à l'école ? Wow ! Oh zut, mes devoirs sont trempés! Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Eneco un plus bel avenir. Maintenant, jusqu'à 200 euros de réduction sur eneco.be. Auto-yoga avec Corona Direct Assurance. Direct. Placez le poing à côté de votre tête, puis baissez le coude d'un coup sec. Voilà! C'est la posture. Yes! Moi aussi, je paie mon assurance auto au kilomètre. Et oui, si vous conduisez moins de 25 000 km par an, vous pouvez vous aussi économiser jusqu'à 50% grâce à l'assurance auto au kilomètre. Pour plus d'infos et calculer votre bénéfice, rendez-vous sur coronadirect.be. Corona Direct Assurance. Directement assuré, directement rassuré. Direct. Il y a des jours où la chance vous sourit.

de Kenji qui est disponible. Amigo! Très sympa Kenji en plus. Adorable. Vraiment adorable ce mec. Très très sympa. Une surprise qui arrivera avec lui d'ailleurs bientôt. Reste à l'écoute d'énergie. Tu ne peux pas dire. Je ne peux pas en dire trop. Ou je vais me faire crier. Mais c'est quand même, c'est une surprise de ouf avec Kenji. Si vous êtes fan, restez vraiment à l'écoute d'énergie. On va, avant de se quitter, faire le tempo game. Ah, j'adore ce jeu. C'est le jeu où en fait il faut garder le rythme, tout simplement. Moi j'aime moins ce jeu. Et j'ai envie qu'on démarre avec Frisco. Ah, ok. Tu vas nous faire un petit Pascal Obispo fan. J'ai sur des posters à me croire le seul à connaître tout de vous. C'est bien parti, c'est bien parti. Ouais. J'en ai refait des concerts en rêvant de voir apparaître Marie-Lou. J'inventerai des lettres à France. Oh, non, non, non, non, non, non. Et j'étais presque. Dommage. Pas mal. Juste le refrain parce qu'il est magique. Juste pour faire plaisir. Attention. Dire que si. J'existe, c'est d'être fan, si j'existe, ma vie, c'est d'être fan. Quand même. Hein. Bon, attention, moi je vous l'avais promis. On l'avait dit qu'on ferait un duo. Tiffany, Jérém, tellement vous êtes magiques tous les deux, vous n'avez pas du tout le sens du rythme. Tiffany, ça va encore. Mais alors, Jérém. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voici le duo, comme promis. Garou, Céline Dion. Il fait Garou alors ? Bah oui, je vais pas faire Céline. Allez. Jérém, Tiffany. Et si tu crois que j'ai eu peur. C'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or. Respire un peu le souffle d'or. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été aux toilettes ou quoi, le mec ? C'est comme si j'avais pris la mer. Attention, le duo choc. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Oh, c'est beau, vous êtes mignons tous les deux. Ils chantent beaucoup. C'est comme si je quittais la mer. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivie un instant sous le vent. Et si tu crois que c'est. Oh là là! Allez, à toi, Tiffany. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et on y croit. Et si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit et ferme les yeux et fais comme si j'avais pris. Presque. Et il est pas facile, hein. Bravo. C'est un beau duo qu'on a eu ce matin. Merci, Jérém. C'est un beau duo, Et merci beaucoup, Tiffany. Appelez-moi Garou. Attention, on vous appelle dans un instant pour l'iPhone X, là, juste après Kaigo, qu'on écoute tout de suite. Je vous appelle pour vous l'offrir. Si vous voulez le gagner, inscrivez-vous maintenant. Vous envoyez Phone par SMS au 78. Phone maintenant au 60185 euros. Le message envoyé est reçu. Et peut-être à tout de suite. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. You left your mind, baby. You left your mind, reminding me to forget. You left your mind. room in war, but feelings hurt me to the core. Still healing, and I know you're no good for me. So I try to forget the memories, 'cause baby it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Baby, it hits so hard, I'm holding on to my chest. Baby, I got these scars, reminding me to forget. You left your avec vous dans un instant pour vos hits préférés. C'est la playlist personnalisée d'énergie. C'est Tanguy qui arrive. Vous gagnez votre iPhone 10 dans le 6-9 sur Énergie. Avant ça, évidemment, on va vous appeler pour vous offrir ce beau cadeau. Très très beau cadeau qu'on vous offre toute cette semaine sur Énergie. L'iPhone 10, le tout dernier. Ça serait sympa ça, je vous le dis. Vas-y Tiffany, tu peux appuyer sur le bouton. Nous appelons. C'est parti. Suspense. Faut répondre. J'ai été gentil une fois, je serai pas deux. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est comment ton prénom ? Stéphane. Stéphane, tu as quel âge ? Tu nous viens d'où ? 46 ans, Braine-l'Alleud, Ménilier. Ah ouais, non, non, on avait dit que de Liège ce matin. Ah, c'est de Liège. Bah, je peux prendre l'accent. ma femme est de Verviers. Eh ben voilà, eh ben Stéphane, iPhone 10, c'est gagné ! Merci les pipous. Avec plaisir Stéphane. Ah bah, et c'était une blague, hein. C'était pas que pour les gens de Liège. Les gens vont croire oui, vraiment que... Mais non, c'est une calembour, une déconnade. C'était une boutade. Une boutade. Non, évidemment, c'est pour tout le monde. Et vous vous inscrivez tout simplement comme l'a fait Stéphane. T'as envoyé un petit SMS, comment t'as fait? J'aime bien, moi, toujours savoir. Un petit SMS à 7h05. Ah ouais, et ben voilà. Voilà, dans les emboutes, tranquillos. Comme quoi, vous voyez, tout est possible. En vous écoutant et en rigolant. Oh bah c'est gentil ça Stéphane, voilà. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Et ben voilà, comme l'a fait Stéphane, vous envoyez un petit SMS, l'ordinateur tire au sort. Et je vous arrêtez de dire, j'ai jamais de chance. Et des fois, on a de la chance, on s'y attend pas. Et puis badaboum, bardaf. Merci à vous. Avec grand plaisir, Stéphane. On t'envoie ça et on te fait des gros bisous. Une belle journée, Stéphane. Bisous, bonne journée. On vous laisse avec Tanguy. Ouais. Il est là, il est prêt, il est chaud. J'adore la playlist d'aujourd'hui. C'est Arthur qui dédicace à sa maman. Oh, je suis trop mignon. Elle a dit, apparemment, ma maman adore ses titres. C'est trop mignon. Ça arrive maintenant sur Énergie. C'est la playlist personnalisée. Vous pouvez la faire aussi, la vôtre. Ouais, hein. Évidemment, foncez, c'est sur énergie.com. Et on vous la diffuse entre 9h et 10h ou entre 20h et 21h. Ouais. Deux fois par jour. Ouais. Ça parle. Rendez-vous demain dès 6h sur Énergie. Soyez là demain jeudi. On vous rappelle aussi le défi ce matin qu'on a fait. On devait faire des jongles avec le ballon. Et c'est Jérém qui nous a représenté. Et tu as fait 16. 16, ouais. 16 jongles. Il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux, mais c'est en 30 secondes. Hein. Donc attention, c'est pas, vous n'avez pas non plus une durée illimitée pour faire ça. C'est en 30 secondes le maximum de jongles. Et j'ai envie de dire déjà, si t'es très très très fort, c'est 30. Une trentaine, quoi. Oui. Une par seconde, quoi, plus ou moins. Ouais. Et encore. Et encore. Rendez-vous demain dès 6h avec encore de l'iPhone, le retour du duel énergie et plein de bonnes choses, comme tous les jeudis, et notamment le jeudi. Bah, c'est spaghetti. C'est ça. À demain. À demain. Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Le Hyundai Tucson n'est pas seulement le SUV le plus vendu en Belgique, il a aussi été élu le SUV le plus fiable de sa catégorie. Alors, à tous les Belges qui roulent en Tucson. Et pour ceux qui n'ont pas encore la chance de rouler en Tucson, Hyundai lance le nouveau Tucson. Lucky You. Venez le découvrir ainsi que nos autres nouveautés et profitez de conditions portes ouvertes du 14 au 23 septembre. Ouvert les dimanches. And you're listening to Énergie. C'est Raphaël de Couillet qui dédicace tous ses titres à sa maman. Il a choisi Dadja. Oh, Dadja pour la maman. C'est Raphaël ou c'est Arthur? Le mec, il a jamais le bon prénom. Mais c'est Arthur, je sais pas pourquoi. J'ai un problème avec... Non, c'est Raphaël. J'ai un problème avec Arthur, je sais pas pourquoi. You are the light, I dream about you every night. Another day, another life. You're the one, I watch your eyes. Let me love you. You're what I like. Oh, oh, whatever you do, I got it all. Ain't I'm coming for you. Got it for you. Oh, wherever I go, I know. Ain't I'm coming for you. Got it for you. I got it for you. Coming for you, California. Vos hits préférés, c'est vous qui décidez sur Énergie. C'est la playlist Énergie. Faites votre playlist sur énergie.be. Baby, can't you see I'm gone?